La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route, et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Bienvenue, bien sûr, sur Radio Libertaire 89.4. On commence donc cette émission Bulle de rêve avec un hommage qu'on va suivre pendant tout le long de l'émission. Certains peut-être d'entre vous ont reconnu L'homme qui plantait des arbres avec la voix de Philippe Noiret, qui est un film de Frédéric Bach. Frédéric Bach, comme on dit dans ces cas-là, un bon journaliste, nous a quittés le 25 décembre. Voilà, c'est un genre de choses pour Noël, 24 ou 25 décembre, on l'a appris en tout cas. Donc un grand monsieur d'animation. Olivier, un petit mot sur Frédéric Bach, tu te rappelles, toi, là, quand t'as vu pour la première fois, c'était quoi, L'homme qui plantait des arbres? Je crois que c'est L'homme qui plantait des arbres que j'ai vu, ouais. Ah oui, j'avais été très impressionné. Et surtout, c'est la... Moi, la voix m'évoque beaucoup de choses. C'est vrai qu'on on voit le film, on voit les images et tout ça. Oui, c'est un des premiers films, je pense, que j'ai vu d'animation. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'animation, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Après, je me suis rendu compte qu'il avait fait très peu de films, ce monsieur. J'étais très déçu. C'est fou, ouais, hein, c'est... Et puis finalement... Il y en a 2-3 autres qui sont très bien, mais pas tant que ça, quoi. Ça m'a perturbé, je me rappelle. T'étais venu pour l'émission sur Nordstein, en fait. On a un peu là un même cas, c'est-à-dire des gens qui finalement, toute leur œuvre, quasiment, en tout cas cinématographique, tient en une grosseur et demie, un peu plus. Ouais, c'est des légendes, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait une poignée de films, hein. C'est incroyable. Hein. Ouais. Quelqu'un d'autre sur Frédéric Bach? Non. Bah moi, en tout cas, ça a été un grand choc, Frédéric Bach, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer une seule fois au Festival d'Annecy. Et comme je dis souvent, c'est un peu ce qui m'a poussé. C'est grâce sûrement à lui que je suis derrière ce micro, parce que ça peut paraître un peu facile, mais c'est vrai que j'étais tout petit, alors pas par la taille, hein, je suis toujours aussi petit, mais en tout cas, voilà, par l'âge, et je me suis approché vers lui et j'ai fait cette phrase qu'on dit tous à un moment donné, même si on veut pas la dire forcément, oh, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et Frédéric Bach m'a juste dit, non, c'est moi qui vous remercie d'aimer ce que je fais. Et il l'avait dit d'une telle manière, qui était vraiment une manière très humble, mais vraiment, il n'y avait pas du tout de jeu derrière. Et je me suis rendu compte qu'en effet, les gens de l'anime, en grande majorité, presque tous, on ne va pas commencer à dire des noms ici, sont des gens d'une grande humilité et voilà, prêts à donner, prêts à partager. Et donc, j'avais trouvé ça très touchant. de sa part, et ça m'avait marqué. Et donc voilà, c'est ce qui m'a donné ensuite envie d'écrire par la suite. Je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas la base évidemment, mais c'était juste pour rendre un hommage appuyé à Frédéric Bach. On entendra régulièrement tiré d'un documentaire qu'avait été réalisé après le fleuve aux grandes eaux. Frédéric Bach ponctuait un peu cette émission donc cette fois-ci de sa voix et non plus de la voix de Philippe Noiret. Alors on va tout vous dire, je vous dis toujours tout. Il y a 4 jours, on n'était pas encore sûr de savoir quelle émission on allait faire. Je pensais vous passer une interview de Koji Yamamura, etc. Et d'un seul coup, en revoyant quelque chose qui a été demandé par Marco de Blois, qui a demandé à une quinzaine de spécialistes, de passionnés, on va dire, d'animation, de listes de leurs 10 meilleurs courts-métrages, et une liste intéressante, puisqu'en effet, on parle rarement de courts-métrages. Je me suis dit, tiens, si on faisait un bilan de 2013, mais pas dans l'idée, tiens, quels sont les meilleurs films, mais juste ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, etc. Et peut-être même avoir une projection légère en 2014, en qu'est-ce qu'on pourrait attendre de 2014. Donc, j'ai vite envoyé des messages, des petites choses comme ça. 5-6 spécialistes. Le côté masculin des spécialistes a répondu oui. Malheureusement, le côté féminin des spécialistes n'a pas répondu, a pu répondre non. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même 3 personnes très intéressantes. J'ai commencé par Nicolas Tiss. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est la première pour Nicolas. Donc, ouais, je lui ai demandé de bien parler dans le micro. Nicolas, il écrit, comme je disais, moi, j'ai découvert sur un papier qui était sur David O'Reilly. Pour les Sommets de Montréal, déjà, Marco de Blanc, encore lui, et qui écrit notamment dans Écran Large, sur Écran Large le site. Ouais. Pourquoi t'écris sur l'animation? Parce que l'animation manque de personnes qui écrivent dessus, justement, et il faut vraiment s'y intéresser. D'autant plus que l'animation prend de plus en plus d'importance, notamment ces dernières années, avec l'arrivée des nouvelles technologies numériques, etc., dans l'ensemble du cinéma, donc tout va être animé, tout est animé, tout est animation, on ne peut qu'écrire sur l'animation. D'accord. On devrait écrire sur l'animation d'autant plus. Ça commence bien, je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer. Et donc j'ai demandé ensuite à deux autres évidemment, l'un qui officie ici normalement de 19h à 21h, juste après, Francis Gavel, bonjour Francis. Bonsoir Alexis. Voilà, bonsoir, oui c'est vrai, Francis est très... il est dans son... Oui. Et Olivier Catrin, que vous avez entendu évidemment tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier, donc l'ancien, à chaque fois, mais il fait tellement de choses maintenant, mais qui était présentateur ici, ce qui fait que quand on s'est précipité dans le studio, en fait tout le monde voulait être à la place du milieu, celle-ci, mais c'est moi qui ai réussi malheureusement pour les deux à la voir. Et bien sûr, les deux personnes sans qui je ne pourrais pas faire Bulle de Rêve, on va être goujat jusqu'au bout, par Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Voilà, qui va nous faire son agenda. Et aujourd'hui, ils vont nous dire ce qu'ils ont aimé 2013, parce que c'est aussi évidemment la rédaction de Bulle de Rêve, nous trois, qui allons dire un petit peu. Et bien sûr Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Qui vont nous accompagner pour faire ce petit topo sur 2013. Alors évidemment, sur 2013, je vous souhaite évidemment une très bonne année 2014. Bulle de Rêve vous souhaite, c'était bien mieux dit sur le Facebook de Bulle de Rêve, si vous voulez le voir, hein, c'est BU2LES2 Rêve REVES, hein, tout avec des S. Et donc vous avez toutes les infos, etc. C'est Valentine qui le tient, et donc elle avait lancé ça bien mieux que moi. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses, évidemment, pour 2014. Et pour commencer, on va commencer de suite avec de la musique. Et évidemment, l'idée, c'est qu'on va passer à 2014, j'espère, le plus possible dans les salles de cinéma et avoir des films. Donc, le premier morceau, c'est Le cinéma par Claude Nougaro, qu'on écoute dès maintenant. La raison qui a incité à faire... Laurent, c'est le numéro 2. Ok. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, non, je te dis comment ça va, et je t'emmène au cinéma. La raison qui a incité à faire le film sur le fleuve, en fait, c'est le succès inespéré qu'ont eu les films précédents, mais en particulier L'homme qui plantait des arbres. Enfin, car ça, Radio-Canada, il a fait vraiment le tour du monde. Il y a des millions d'arbres qui ont été plantés. C'est peut-être très ambitieux de prétendre que un sujet comme le Saint-Laurent aurait le même périple, aurait autant d'emphase, mais le fleuve Saint-Laurent, comme les arbres, en fait, a quelque chose de commun avec tous les fleuves du monde. Enfin, la disparition de l'eau potable, de l'eau pure, de l'eau qui transmet la vie, c'est un problème mondial, comme était celui de la disparition des forêts, des arbres, et la répercussion d'un film. S'il est connu à travers le monde, a des chances de stimuler une action bénéfique comme L'homme qui plantait les arbres. Voilà, donc Bulle de rêve, toujours, Radio Libertaire, le numéro du studio. Là oui. Alors 01 43 71 89 40. Voilà, si vous avez quelque chose à nous dire, on veut que Francis parle plus parce que c'est quand même sa voix qu'on aime, etc. Ce genre de choses, vous n'hésitez pas bien sûr à appeler. On a entendu donc Claude Nougaro dans Live à l'Olympia qui chantait le cinéma, et juste après c'était Frédéric Bach. Donc voilà, toujours dans cet hommage continu. Dans cette émission, évidemment, l'un des premiers à prendre la parole, c'est Rémi pour son agenda de l'AFCA. Cette fois-ci, en trois parties, on innove encore. Parce que c'est 2014. Fois, on fera en 56 parties. Tout à fait. Tu diras juste un mot à chaque fois. Voilà. On t'écoute. On va commencer avec le festival, et un festival un peu bizarre. C'est un festival auquel aucun d'entre nous n'ira, je pense. C'est le 10 janvier à la Maison d'Arrêt du Val d'Oise. Et c'est un des premiers festivals apparemment uniquement consacré à l'animation dans une prison. Et c'est organisé par Écran VO. Ah, génial. Bon, bah, très bonne chose. Celui-là, à la limite, on peut y aller. Festival Ciné Junior 2014. Donc, il y aura deux bonnes rétrospectives. Une sur le cinéma tchèque, avec Karel Zeman et Bratislav Požar. Et une autre sur la peinture et le cinéma. Il y aura aussi une très belle exposition de George Fritz-Gebel. Qui normalement devrait être là d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc avec des peintures tirées de ses films, des storyboards, des cellulos, des esquisses. À ne pas louper. Mmh. Et le festival de Clermont-Ferrand, ça je vais y revenir peut-être plus la prochaine fois, parce que ça, c'est vraiment toute fin janvier, ça commence le 31 et ça sera jusqu'au 8 février. Et j'ai pas eu tout le programme. Je sais qu'il y aura des films comme Bêtise Blues, Lettres de femme. Oh, il est pas trop mal celui-là. Bon, d'accord. Je vais faire pire. Attends, une projection en 3D relief. juste par rapport à. C'est toujours Clermont ? Oui, c'est toujours Clermont. D'accord. Vas-y, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non, mais on va. Et le marché du film court, évidemment. Et juste. Tu peux peut-être annoncer, Francis, toi, ton émission, parce que tu vas faire une spéciale Clermont. Alors, on va pas faire... Cette année, on va innover aussi. Dans longtemps, je me suis couché de bonheur. D'habitude, l'émission de janvier, c'était rituellement une table ronde sur le court-métrage. Alors, aussi bien prise de vue réelle qu'animation. Il n'y avait pas de cantonnement. Là, ce sera pas une table ronde. Ce sera finalement une invitation qui s'impose un peu d'elle-même, puisque l'invité principal, il y en aura deux, mais l'invité principal sera Claude Duty. Donc Claude Duty, incontournable du monde de l'animation, maître de cérémonie à Clermont-Ferrand, et puis par ailleurs réalisateur. Donc on reviendra un peu sur sa carrière iconoclaste. Et puis avec Claude Duty, il y aura un chef opérateur qui est Rémi Chevrin, qui a été entre autres chef opérateur sur les films de Christophe Honoré, les chansons d'amour, les bien-aimés. Donc voilà, on aura une émission un petit peu différente, mais évidemment, Clermont, il en sera beaucoup question. Et à Clermont, effectivement, dans les films d'animation, on pourra voir La nuit américaine d'Angélique de Pierre-Emmanuel Lillet et Joris Clerté. Voilà, où chacun essaie de placer, là, vous avez compris, leur petit favori. On t'écoute, Rémi. On va finir avec une séance de rattrapage. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu venir à Bru, il y aura une reprise le 20 janvier à 20h au studio des Ursulines, avec tous les films projetés. Ça dure à peu près 2 heures. Il y a 1h30 de film et une rencontre avec les réalisateurs. Il faut mieux réserver. C'est gratuit pour les adhérents de l'AFCA. Dont la nuit américaine. Voilà, dont la nuit américaine. Qui a eu un prix. Et juste, allez, on dit des fois des gentillesses sur l'AFCA, pas de gentillesses ou quoi. Bruce, c'est vraiment un festival qui est super agréable. Vous ne trouvez pas, Olivier? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un festival vraiment, c'est petit monde, certes, un animation française, mais voilà, je trouve qu'il y a, c'est un calme, on peut parler, on peut rencontrer vraiment du monde et c'est vraiment bien agréable. Allez à Bru. Voilà. Rémi. J'ai fini pour les festivals, il n'y en a pas beaucoup en janvier. C'est comme ça, avec Clermont-Ferrand, c'est difficile de faire aussi d'autres festivals alors que ça prend toute cette place-là. Mmh. Donc c'est bon. C'est bon pour l'instant. Alors, en 2013, on va commencer par là. On a pu commencer par quelque chose. Il y a eu un grand changement, sûrement parmi le plus grand festival, si c'était le plus important festival d'animation au monde, qui est celui d'Annecy. Je tiens le lourd catalogue devant moi avec la nomination de Marcel Jean. Vous tous, est-ce que vous avez senti quelque chose de nouveau au niveau du festival? Déjà, je parle vraiment là dans l'ambiance du festival, etc. Ce genre de choses, on va laisser Olivier commencer. Le plus grand changement dans le festival, à première vue, c'est pas Marcel Jean, c'est le lieu. C'est vrai que le fait de quitter Bonlieu, ça a changé un petit peu des choses. Du coup, on n'avait plus vraiment de cœur de festival et tout ça. On était dans des lieux un peu étrange, où le son n'était pas très bon d'ailleurs pour les films, et les salles, les sièges pas très confortables non plus, mais bon, on a pris quand même beaucoup de plaisir. Après, l'influence de Malsergent sur cette première édition, je crois qu'elle s'est vue probablement dans des rétrospectives, dans des sections parallèles, où effectivement on a vu des choses assez étonnantes, enfin vu, moi j'ai pas beaucoup vu malheureusement, pas autant que j'aurais voulu, mais c'est vrai qu'on a senti la patte du programmateur et du passionné de cinéma qu'il est, et cinéma en général d'ailleurs, au-delà de l'animation, donc il a jeté des ponts tout de suite et on voit que ça bouillonne. Francis, est-ce que donc ces salles pas terribles, cette grande salle pas géniale, notamment pour l'acoustique, hein, donc qui a remplacé Bonlieu, et par contre une programmation, je sais que toi notamment dans ta liste des 10 films, tu mets un film que tu as vu plutôt d'ailleurs dans cette programmation parallèle de Marcel Jean, toi, Festival d'Annecy. Ben, je rejoins un petit peu Olivier sur effectivement peut-être pas pour l'instant d'empreinte par rapport à la sélection en tant que telle, mais effectivement par rapport au programme parallèle, mais une sélection finalement sur laquelle c'est toi qui m'avais attiré l'attention, parce que dans un premier temps je l'avais pas repéré. Donc peut-être qu'il y avait un déficit là de communication, pour prendre un mot à la mode, du festival, notamment lors de la conférence de presse. Sur cette programmation off-limit, donc c'est 5 programmes, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 4 ou 5, je crois que c'est 4 en fait, qu'avait concocté donc Marcel Jean, et où il jetait comme ça effectivement des ponts. On pourrait dire qu'est-ce que c'est l'animation quand c'est déjà plus de l'animation. Je dis ça un petit peu comme ça radicalement. Et effectivement, donc dans la fameuse liste des 10 courts-métrages de l'année demandée par Marco Doblois à un certain nombre de personnes, donc il m'a fait la gentillesse de m'en demander une. Effectivement, j'ai mis un des films qui est Cauchemar, donc qui était là en avant-première mondiale, donc un film en 3D, donc une projection un petit peu spécifique, un moment du festival. Et ce qui était assez intéressant, c'est d'avoir un moment du festival en dehors de la compétition. Et si on peut dire, bah, le en dehors de la compétition, souvent ces grands moments, c'est des avant-premières. Oui, mais là c'était une avant-première qui était même mis, je dirais, presque à la marge de ce rituel de l'avant-première, quoi. Donc d'abord parce qu'elle avait pas lieu dans le nouveau, entre guillemets, lieu névralgique qui était la salle des Haras. Il valait peut-être mieux, effectivement, que ce soit au Décavision, donc, qui est le multiplex d'Annecy, pour de meilleures conditions, peut-être, et de projection et de son. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, sans doute parce que, je sais pas, j'y ai vu comme ça la rencontre entre 2001, Odyssée de l'espace, et les films de Catherine Breillat. Donc je me dis, voilà, c'est un film... C'est quoi? C'est un film érotique qui se passe dans l'espace. Donc c'est très très époustouflant techniquement, et ça rend très fébrile l'homme que je suis. Donc non, voilà. Et puis c'est vrai que ces deux réalisateurs, enfin. Donc on réalisait Madame Tutti-Putli. Voilà, hein, et moi je suis depuis longtemps. Même si parfois je peux être déçu de certaines des choses qu'ils font ou les trouver moins réussies, c'est toujours intéressant de voir leur travail. Et je trouvais effectivement très bien que Marcel Jean nous le propose à un endroit du festival. Moi c'est vrai que dans le compte-rendu que j'avais fait d'Annecy, j'avais comme une envie, c'est que ce off-limit puisse devenir un labo, puisqu'on parlait de Clermont à la manière de Clermont, avec pourquoi pas une compétition aussi. Certes, la compétition n'est pas obligé de foutre de la compétition partout, mais en tout cas pour qu'il y ait comme ça une autre idée et de programmation, et peut-être un lieu d'expérimentation, même si ça ne veut pas dire que ça coupe l'expérimentation de la compétition principale. Donc alors, on va laisser après la parole, mais juste, je rebondis là-dessus, je ne sais pas si tu as vu, donc ton souhait est exaucé, puisqu'il non, va y pas, avoir... Je ne sais rien. Alors c'était marqué dans le dossier de presse, c'était pas... dans ce qui avait été annoncé, c'est que cette année, en effet, il va y avoir une sélection uniquement de ces films off-limit, et qui vont être à part dans la compétition. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ces 5, par exemple, séances courtes, et une séance off-limit. Donc voilà, donc tu as été exaucé. Donc j'ai pas bien lu le dossier de presse, et ben voilà. mais c'est, en fait, je reconnais que j'ai peut-être pas bien lu. C'est la conférence de presse elle-même d'Annecy l'année dernière qui m'avait laissé un peu pantois. Ouais. Il y avait de quoi ? Qui était très à l'américaine et très. Bon, il y a plein d'extraits. Nicolas, toi, t'as écrit toi aussi un long papier. Si on a lu le papier, on sait plus ou moins où tu balances, où ton cœur balance. Toi, cette année, Annecy. Alors, cette année, Annecy, en fait, j'ai vu les deux choses, c'est-à-dire une vraie continuation par rapport à ce qui se faisait l'année dernière avec Serge Bamberg, c'est-à-dire qu'on avait toujours la mise en avant des gros studios à l'américaine de type Pixar, Disney, avec des présentations d'avant-première de Monstre Academy ou alors du court-métrage Get a Horse, par exemple, qui est projeté en avant La Reine des Neiges ici en salle. Mais on avait aussi en plus justement les nouveautés avec le Off-Limit qui donne un côté un peu plus expérimental justement à Annecy cette année, expérimental qui avait peut-être un peu moins l'année dernière. Je trouve aussi que dans la compétition tout court, on avait aussi une plus belle mise en avant justement du côté expérimental. Quand je parle de la compétition, c'est vraiment compétition court-métrage, parce que dans le long-métrage, malheureusement... On en reparlera du long-métrage. Je sais que Francis va absolument s'en parler, donc on en reparlera du long-métrage. Par contre, on avait aussi une très belle rétrospective qui était là aussi, présentée par Marco de Blois sur Robert Morgan, spécialiste de la marionnette et du cinéma d'horreur, qui présentait là aussi justement un de ses films en avant-première mondiale. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir justement présenter à la fois des films en avant-première dans un panorama de films aussi plus anciens et de mélanger un petit peu tout ça, ce qui était plutôt intelligent, je pense. Juste avant mon autre question sur Annecy, est-ce que vous considérez donc aujourd'hui Annecy, c'est encore le lieu quand on voit beaucoup, je sais pas si certains d'entre vous, beaucoup dans votre liste de 10 par exemple, est-ce que beaucoup de films vous les avez vus au Festival d'Annecy, est-ce que c'est encore l'endroit aujourd'hui pour voir, même en 2013 là où il y a internet, il y a de plus en plus de festivals, c'est quand même l'endroit quasiment incontournable pour voir. C'est pour voir des films, on va dire, je sais pas, on n'est pas en avant-première, mais pour voir des courts-métrages, ça me paraît bizarre. Oui et non. C'est vrai que le festival n'a plus le rôle prescripteur qu'il avait il y a quelques années, parce que les films, on peut les voir autrement, justement, sur Internet. Néanmoins, c'est reste qu'on arrive quand même à avoir un condensé, une espèce de sélection comme ça mondiale sur un temps limité. Donc ça donne quand même un autre point de vue que de regarder un film de temps en temps en ligne. Mais c'est pour ça aussi que je pense que finalement le rôle du directeur artistique du festival est important dans ce sens-là, mais en même temps il est limité parce que le festival il est bien au-delà. Effectivement, la continuité elle est évidente parce que l'identité du festival c'est aussi ces gros studios, c'est le long métrage qui aujourd'hui on reviendra pas en arrière sur la place du long métrage, même s'ils sont pas bons, c'est pas le problème. C'est stratégique. Hein, on va dire, et il faut que les gens du marché soient là, il faut que les gros studios soient là. Enfin, voilà. Donc, si on peut garder une petite place pour essayer de faire mettre en avant des films qui sont qu'on n'irait pas forcément voir sur Internet justement de façon spontanée, parce que c'est aussi un peu ça, ce programme Off Limit, aller vers chercher des choses qui sont qui sont pas forcément immédiatement identifiables. Évidemment, il y a des choses qu'on va repérer très rapidement, qui sont relayées sur des forums, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus secrets ou un peu plus anciens et tout ça, qu'on peut mettre, qui sont pas forcément complètement identifiés dans le monde de l'animation. Et c'est ça aussi le rôle du directeur artistique. Alors, est-ce que c'est pas l'un des problèmes, c'est ma question, est-ce que c'est pas l'un des problèmes qu'on va avoir aujourd'hui? À la fois, on est content que Marcel Jean ramène tout ce cinéma-là, on va dire, à Annecy, mais on a l'impression donc qu'il est ramené dans une niche. Est-ce que ça veut dire que c'est une obligation que... tout ce cinéma-là soit dans une niche? Là, on va avoir une sélection off-limit, on va avoir... Et est-ce que ça veut dire que les gens vont plus être surpris? Les gens vont devoir être curieux absolument pour aller, et on ne pourra plus être surpris, par exemple, dans une sélection de courts-métrages, donc plus traditionnelle, de voir le film un peu expérimental où les gens se disent « Oh !» Mais si, ils y sont aussi. Donc, oui, y compris en long-métrage. Est-ce qu'ils vont y rester? Tito and Ice, par exemple, c'est un... Tito and Ice, c'était hors compète. Oui, il était hors compète. Tous étaient... On en parlait, tous étaient hors compète. Consuming Spirit était hors compète. Et il y avait un troisième, le film It's a Beautiful Day de Don Hertzfeld était hors compète. Tous ces films là sont hors compète, les films qui tentent autre chose. Et alors en long métrage, c'est encore plus évident évidemment qu'en court métrage. Voilà, on les met à part, Francis. Oui, mais là, enfin, sur le long métrage, c'est peut-être après une volonté, moi j'ai envie de dire, qui devrait s'affirmer plus de la part du festival. C'est peut-être une discussion qu'ils doivent avoir entre eux. Qu'est-ce qu'on fait avec une compétition de long métrage? C'est pas la même chose qu'une compétition de court. Est-ce que ça veut dire que dans une compétition de long métrage, certes, il faut avoir des locomotives pour attirer la presse, pour attirer le public, pour attirer les professionnels, mais est-ce qu'il faut pas effectivement aussi y mettre ces fameux films qu'on vient de citer et qui sont en hors compète, comment on équilibre les choses? En même temps, le festival pourra répondre, oui, mais de toute façon, les films sont présentés quand même, donc ils seront vus par le public du festival. Après, la différence, c'est que si on est en compète, on a peut-être une chance d'avoir un prix, et qu'un prix, ça peut changer la carrière d'un film. Là, je parle effectivement que sur du long. En long métrage, à Annecy, je suis pas si sûr, mais bon. Bah écoute, j'en sais rien. En tout cas, moi, je le vois. N'a toujours pas été, a priori, il n'a pas été acheté. Le dernier Grand Prix d'Annecy, le long métrage n'est toujours pas acheté en France. Alors, Rio 2096, effectivement, a priori, ne l'est toujours pas. Sauf que, bah, du coup, on le présente au moment du carrefour de l'animation en avant-première. Et par contre, moi, à contrario, si tu veux, ayant quelques contacts au Brésil, je peux te dire que, en tout cas, ça fait du bien au film et au réalisateur au Brésil d'avoir eu le cristal. D'accord. Pour localement déjà revenir à la charge avec un autre projet et obtenir plus d'écoute de la part des financeurs. Même si déjà, un film comme Rio 2096 était co-produit par HBO. Donc déjà, il y avait quand même une écoute qui était sur ce projet, qui est certes très classique, et moi je trouve pas très réussi. Mais en tout cas, ça a un impact, en tout cas localement. Alors peut-être qu'en France, effectivement, Olivier, t'as raison, l'impact serait pas le même. Pour une sortie en salle, je suis pas sûr que ce soit décisif, mais c'est vrai que ça donne un écho au film, c'est évident. Une reconnaissance de réalisateur aussi, c'est évident. Tu vois, mais moi je pense que c'est ça qui est important, et qu'à la limite, là, sur une compétition long, moi j'ai envie de dire qu'on peut se poser des problèmes comme... On met en place une compétition longue dans un festival comme Cannes. Est-ce qu'on est obligé d'avoir que des films déjà vachement attendus, ou est-ce qu'on peut plus équilibrer? Et moi, j'ai envie de dire que cette année, il y avait Jasmine. Oui, c'est oui. Ce que j'allais dire. Il y avait Jasmine, mais à côté, sur les autres films français, on les attendait tous énormément, quoi. Ils avaient déjà leur plan de sortie. Je dirais qu'il n'y a qu'à Jasmine que ça aurait pu faire quelque chose d'avoir un prix. À la sortie, Nicolas. La plupart des gros films français cette année à Annecy aussi étaient, comment dire, hors programme, entre guillemets, comme Tantilda, qui n'était pas en compétition, ni même hors compétition, ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si il continue à ne pas les mettre en compétition, justement. Il n'y avait que ma maman est allée en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, qui était vraiment dans la compétition, dans les films français, il me semble. Alors après, moi, j'ai presque envie de dire que ça peut être comme les Américains qui veulent, les studios américains qui ne veulent pas être en compétition à Cannes, qui veulent que le film soit présenté en hors compète, parce que si jamais, et sans doute à chaque fois, ils n'ont pas de prix en étant en compète, ça va être moins bon pour l'impact marketing après. Donc les films des studios français peuvent dire, nous, on ne veut pas être en compète, mais on veut être présenté en avant-première. On va peut-être revenir après sur le long métrage, c'est un grand débat. Juste pour finir par rapport à cette idée de festival, Rémi, Valentine, vous avez vécu, toi Rémi c'était combien? C'était mon premier festival. Ton premier, alors? Bah, du coup je peux pas comparer avec les autres. Non, mais comment toi tu l'as vécu? Ça a été une expérience assez particulière, parce que j'avais jamais fait un festival aussi gros. Le plus gros que j'avais fait autrement c'était, comment ça s'appelle, à Angers, Premier plan, ouais. Qui est assez grand, mais... Festival, ouais. Mais bon. Et du coup, oui, j'ai la plupart des grands films que tu voulais, ouais. J'ai vu à peu près tous les films que je voulais. J'ai raté Rio 2096, du coup, je l'ai revu après au Carrefour. Mais la plupart des bons films que j'ai vus cette année, je les ai vus à Annecy. Est-ce que l'ambiance est importante pour voir ces films? Est-ce que ça donne encore plus d'envie de voir les séances, d'en parler ensuite avec les gens, etc.? Pas plus qu'un autre festival, ce point de vue-là, je trouve, mais... Ok. Valentine, toi, t'avais, par contre, c'est ton deuxième. C'est mon deuxième, mais ça va être dur aussi de comparer, puisque j'avais découvert Annecy l'année d'avant. Donc, il y a aussi le fait que je commence à avoir un peu d'expérience. Donc, peut-être que je trouve que ce festival-là était mieux parce que je commence à être un peu plus à l'aise aussi. Après, je trouve que le festival est. Enfin, Annecy, enfin. C'est vrai, comme disait Rémi, tous les festivals, on est souvent mis à l'aise, on a envie de voir des choses, on a envie d'en parler, on a envie de rencontrer des gens pour en parler, et on a envie de faire des choses après ça, ça donne envie de faire plein de choses. Voilà. Si vous avez un festival qui vous a tous autour de la table, qui vous a plu le plus cette année, c'est lequel? Lequel vous diriez aux gens, il faut absolument que vous alliez dans ce festival-là? Olivier? Bru? Ok, après, l'étiquette de la tête, toi, en tant que passionné d'animation, voir des films, rencontrer des gens. Non, cette année c'est difficile parce que je vais à 3-4 festivals dans l'année, pas plus que ça, ou 5 maximum. Enfin, c'est quoi le festival? Sur ceux où j'ai été, peut-être celui qui m'a le plus plu, c'est peut-être Zagreb. De tout, voilà. De tous tes festivals, ces Zagreb qui te. Tu, ouais, tu peut-être. Penses, toi, ouais. Mais enfin, c'est difficile à dire, mais bon, oui, enfin, je garde un attachement pour Zagreb. Ouais. Mais comme depuis l'équipe a changé et tout ça, le lieu a changé, donc c'est pas très, pas très intéressant. Ah, c'est dommage que j'y vais cette année normalement, donc je me suis dit. Bon, non, je crois que c'est resté très bien. Bon, merci. Je crois que c'est resté très bien. Donc Zagreb, Francis, toi, il y a un festival qui tient particulièrement à cœur, que j'aimerais ne pas louper. C'est bah, que tu vas à Clermont. Oui, bah après ne pas louper par rapport à des envies personnelles. Effectivement, il y a deux moments que je rate pas dans l'année. Généralement, c'est Clermont et Annecy. À la fois pour un plaisir de programmation, pour le fait de retrouver peut-être un petit peu comme des rendez-vous. On sait qu'on va retrouver des gens qu'on voit pas si souvent que ça dans l'année. Et l'avantage de lieux comme Clermont ou Annecy, c'est qu'on retrouve autant. J'ai envie de dire le petit groupe hexagonal où on se connaît tous plus ou moins, mais on est toujours content de se retrouver. Et puis aussi de retrouver à l'international des gens qu'on va voir que très peu de fois dans l'année. Moi, après, ma découverte, mais c'est pas qu'un festival d'animation, c'est le festival de Vendôme. J'y suis allé pour la première fois donc cette année, c'est en décembre, c'est juste avant Bru. J'avais le plaisir d'y aller parce que j'étais membre du jury. Et c'est vrai que donc c'est un festival généraliste, mais qui accorde une belle part à l'animation, que ce soit en compétition court-métrage, mais que ce soit aussi tout au long de la semaine, puisque le festival a cette particularité, c'est que la compétition est projetée le premier week-end, et après, toute la semaine, c'est des rétrospectives, des avant-premières, des cartes blanches, et donc tout au long de la semaine, on peut avoir, bah voilà, dans toutes ces fenêtres-là, des choses qui vont être présentées, que ce soit sur l'animation, que ce soit sur la prise de vue réelle. Et sur l'animation, il y avait énormément de choses passionnantes à voir. Et quand on fait, par exemple, à Vendôme, un focus sur un pays, bah on va se retrouver aussi bien avec du long métrage prise de vue réelle que du court métrage d'animation. Donc voilà, je trouve qu'il y a un dynamisme intéressant dans une ville comme Vendôme, qui est plutôt un endroit très calme dans le centre de la France, quoi. Nicolas, toi. Alors, je vais pas être très original, à mon avis, le meilleur au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, ça reste Annecy quand même, surtout pour vous, au niveau de la programmation aussi, et malgré les infrastructures qui, l'année dernière et cette année encore, je crois, ouais, seront un peu faibles. Mais sinon, le festival aussi, qui est très intéressant, ça reste le festival de La Rochelle. Donc, juste après Annecy, celui-là, qui est non compétitif, donc déjà, c'est un bon point, qui présente des films, donc, qui viennent de Cannes, enfin un panel de films contemporains, plutôt type film d'auteur. Aussi des rétrospectives de films beaucoup plus anciens, qui est plutôt pas mal et assez rare dans les festivals, et qui laisse une large place à l'animation. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Cette année, il y avait une rétrospective autour de Florence Miage, Fitzgebel, avec d'autres animée, encore. Oui, tout à fait. Voilà, sur la peinture animée. Je sais que cette année, ils auront aussi une rétrospective autour des films tchèques aussi. Donc, voilà. Plein de choses intéressantes. Pas mal de films intéressants. Rémi, toi Je vais pas faire très original, c'est Annecy, c'était le gros festival de l'année, mais Bruce a été la bonne découverte aussi, parce que j'étais pas encore allé, mais c'était sympa d'avoir un petit festival où on voit des tonnes de films et où on est un peu entre nous, je dirais. Valentine ? Moi non plus, je serais pas originale, je dirais Annecy, mais Fontevraud, comme je l'ai découvert cette année, je trouve ça très intéressant. Parce que déjà, c'était dans un petit cadre, c'était très calme. Et vraiment, ça m'a donné encore plus envie de réfléchir aux situations de l'animation, à tout ce qui pouvait se passer, à le pourquoi du comment. Enfin, ça m'a donné vraiment envie d'y réfléchir et de m'ouvrir par rapport à ça et pourquoi pas d'en parler. Voilà. Bon, parfait. C'est vrai qu'on te voit, c'est toujours passionnant. C'est la deuxième édition, on en a parlé ici. C'est quelque chose de vraiment... J'ai vu que la première édition avait été mise en ligne, hein, tout ce qui avait été filmé. Tout à fait, une grande partie en effet, toutes les vidéos sont mises en ligne, donc c'est vraiment passionnant. Et puis moi je dirais, donc Annecy, en effet je dirais comme tout le monde, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est passionnant. Tout ce qui est montré aujourd'hui, et je pense que de toute façon un festival qui atteint ce niveau-là finalement ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas avoir tout qui nous plaît dans le festival, donc de toute façon il y aura toujours des choses qui vont être difficiles à mettre en place. Et pour mon festival, allez, peut-être parce que j'y travaille, j'ai de la chance de pouvoir aller là-bas. Je dirais le FICAM à Meknès, puisque j'ai la chance de cette année pour rencontrer Peter Lord par exemple et de parler avec eux, puisque voilà, je travaille, c'est moi qui fais les conférences, donc c'est vrai que ça tient une place particulière. Je suis d'autant plus ravi que cette année au FICAM, et voilà, je l'annonce un petit peu, mais on peut faire plein de choses intéressantes, et notamment pour le centenaire de McLaren, là il va y avoir des films de McLaren quasiment devant toutes les séances, même pour les enfants, donc je trouve ça assez passionnant de pouvoir faire cette ouverture-là, et c'est assez génial. C'est vrai qu'après Annecy, notamment, moi, avec les rencontres des 3A, c'est un festival qui reste encore assez passionnant. On va faire une petite coupure assez courte. Alors, je prends mon truc. En fait, c'est un peu compliqué. C'est une chanson qui s'appelle Untitled, entre parenthèses, Falling in Love. Donc voilà, c'est la piste 4. C'est un cover de The Lumineers. Et c'est Valentine, qui est à 85, qui lui a demandé quelques morceaux. Elle m'a dit, bah, tiens, tu pourrais passer celui-là. Et donc, c'est Ali Bang Bang 22 sur YouTube. Mon maître, voilà, vous regardez. Je sais pas ce que c'est comme groupe. Ils sont deux. Voilà. Et c'est une reprise. Et on enchaînera aussi avec la piste 5, qui est Frédéric Bach, qui nous parle de la représentation de l'eau, notamment au cinéma d'animation. Voilà, bon, on écoute ça et on revient tout de suite. Everything about you, won't you stay away, so I can get my work done in a day, okay? And maybe in the meantime, you and me will be fine. If you just relax and check your eyes for cataracts, it's plain to see that I was meant for you and you were meant for me. Darling, hold me tightly, I think you and me, we might be falling. See a fire, you grab the gasoline. Now, honey, please calm down. Yes, just don't make a scene. They're asking us to leave now. They're calling the police. This is a manly man, 'cause you're defending me just like punching back. But I can take a punch if you can take a jab. You catch me when I fall and dress your wounds with alcohol and fall in. Fall in. Le dessin animé, on cherche toujours, comme dans la peinture, ou même en photographie, on essaie d'interpréter la réalité. Un dessin animé aussi, représenter l'eau telle qu'elle est, c'est un peu absurde. Il faut essayer de trouver une façon de la représenter qui soit intéressante, qui soit évocatrice, sans être réaliste. Alors, j'ai navigué, on peut dire, d'un extrême à l'autre. Par moments, elle est très mal fichu et par moments mais c'est grâce à la technique de la caméra que Jean Robillard a utilisé avec beaucoup de persévérance et puis beaucoup de complications, de calculs aussi, de calculs extrêmement complexes, a réussi à donner quand même l'effet de l'eau, en fait, faire sentir cet élément. C'est fini. Allez, allez-y. Alors, la chanson qu'on a entendue juste avant, c'était Alice qui chantait avec un de ses amis, voilà, qui n'est pas juste Ali Bang Bang, donc voilà, à qui on fait un coucou. Et on vient juste d'entendre Frédéric Bach en second, et on attend Rémi pour la seconde partie de l'agenda. On va passer aux événements. J'avais parlé la dernière fois du cycle Monstruosité au Forum des Images, ça continue. Donc c'est le principe, c'est qu'il y a un film souvent prise de réel qui passe, et un petit court-métrage d'animation avant. Là, on aura La Femme à cordes de Vladimir Mavouniakouda juste avant Eraserhead. Donc ça sera le 2 janvier et le 8 janvier, Une histoire vertébrale de Jérémy Clapin juste avant Satan de Wallace Forsley. les vendredis de Croque Anime. Donc ça sera un vendredi, je crois, mais je ne suis pas sûr. Le 10 janvier à 19h30 à l'auditorium du carré, du pavillon carré de Benoît. Il ne pourrait pas mettre un nom plus court. Bon, ça sera avec Julie Rambeauville et Nicolas Bianco-Levrin. Je n'ai pas lu ce qu'ils allaient nous présenter, mais j'imagine que ça sera leur travail. Et ensuite, il y aura le... Alors, Paris ACM Sigraf, qui fait des tas de trucs. Je ne vais pas tous les dire parce qu'il y en a des tonnes. Le 9 janvier, donc à 20h, au Pub Patrick, c'est dans le 11e apparemment, il y a Bring Your Own Animation, avec un gros accent, c'est encore mieux. Tout le monde peut ramener ses films, donc on pourrait les présenter à des professionnels. J'ai jamais encore été, mais apparemment c'est plutôt sympa. Je passe des tas de trucs qu'ils font. Le 27 janvier, donc au studio des Ursulines, ça sera le meilleur de la création mondiale en images de synthèse. Donc avec notamment 5m80 de Nicolas Devaux. Ainsi les concerts, Florilège au fil des neiges, j'en parle de temps en temps parce que c'est sympa. Donc ça sera le 12 janvier à 11h au cinéma Le Balzac, dans le 8e. Et le 22 janvier, pour les séances groupes, alors à 16h30 au théâtre Chateaubriand de Saint-Malo. Et donc c'est une sélection de courts-métrages russes. Et un ciné-danse. Alors ça, c'est un nouveau truc. Ça s'appelle « Il était une fois une chaise ». C'est avec 6 courts-métrages de Norman McLaren. Avec des gens qui dansent devant. Si j'ai bien compris. Waouh. Ça, c'est du concept. Oh là. Ah mais ciné-concert, ciné-danse. Ciné-BD, j'en avais parlé. Ciné-peinture après, faudra... Enfin voilà, il y a des choses à faire. Bon après, « Il était une chaise », c'est vrai que ça peut se prêter au jeu. Mmh. Et on va finir avec une soirée à Hayao Miyazaki quand même. Pour ceux qui ont raté Le Vent se lève au carrefour de l'anime, ils sera projeté en avant-première avec Kiki la petite sorcière et Le Château ambulant. Ça sera le 18 janvier au Max Linder dans le 9e. L'un de ses meilleurs films et l'un de ses pires. Château ambulant, c'est quand même pas très bon. Et Kiki, c'est juste sublime. J'ai d'autres infos, mais c'est pas bien trop intéressant. Quand je mange à Michoko, c'est qu'au moins je parle pas, je t'interromps pas tout le temps, alors que là, voilà, je sais, j'en prendrai. Bon, je passe rapidement sur une avant-première de Bouddha 2, Un voyage sans fin, ça n'a pas l'air terrible. Et ce sera le 27 janvier à l'Auditorium du Louvre. Merci beaucoup Rémi pour cette superbe annonce à la fin. Alors, on va commencer évidemment, il suffit de regarder en fait la liste, vous tapez revue 24 images, liste animation, vous allez tomber dessus. Donc vous pouvez tomber sur celle de Nicolas et Francis facilement. On va commencer par Olivier. Olivier, qui n'a pas participé à cette liste. Qui n'a pas participé à cette liste, heureusement, parce que tu es avant tout producteur aussi. Aujourd'hui, toi, au niveau court-métrage, tu as fait quand même pas mal de festivals. Certes, tu ne regardes pas que Kiki de Montparnasse, qui a fait pas mal de festivals aussi, hein, qui s'est bien baladé. Toi, c'est quoi tes courts-métrages vraiment fétiches de l'année? De l'année? Francis note. Moi je crois que le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est Palmipédarium. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très troublant dans ce film, de très, qui fait appel au monde de l'enfance. Et voilà, moi j'ai été très très troublé, très très interrogé par ce film. Et je le revois en plus, parce que il y a ça, il y a la première vision, puis après quand on revoit les films, c'est différent, et vraiment à chaque fois j'ai l'impression de capter quelque chose de plus. Et enfin, je suis vraiment très très très très heureux de ce film, et c'est, pour moi, c'est vraiment peut-être le seul grand film de l'année. Parce que pour le reste, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, mais il y en a pas tellement qui me soient, enfin, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment vraiment formidable. J'ai des réserves un petit peu sur tous les autres. Après, il y a les tas d'autres films que j'ai beaucoup aimé. On va peut-être commencer sur Palmipédarium. Vous savez, si vous m'écoutez un petit peu, si vous regardez. Il est en tête de ta liste, en fait. Il est en tête de ma liste. Je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que je trouve que. Non, mais d'un auteur qui fait un carton comme Skizen, ça rajoute. C'est-à-dire que j'aime le film en lui-même. Skizen était très séduisant. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé Skizen, mais je trouve que celui-là a une profondeur qu'il n'y avait pas dans Skizen. Et je trouve qu'il y a un vrai risque. Que je trouve en plus passionnant, qui, encore une fois, ne rajoute pas la qualité du film, mais qui quand même rajoute quelque chose d'assez fort, je trouve, voilà, d'avoir tenté, alors que c'était facile de faire un Skizen 2, ou en tout cas de rester dans la même lignée, de faire ça, Palmipédarium. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas autour de la table, qui ne l'ont pas vu, qui s'en sent plus? Vous avez le droit, c'est un tour de table, on peut dire, j'irai des méchancetés sur vos films que vous avez aimés, donc... Du Pédarium, non, vous n'êtes pas obligé. Non, enfin, il n'est pas dans ma liste, je reconnais. C'est peut-être un oubli de la liste, d'ailleurs, parce que c'est plutôt un film que j'aime, qui m'a très agréablement surpris. Et moi, je dirais que ça prouve en tout cas le talent d'un auteur, quoi, comme Jérémy Clapin, de dire, bah voilà, je sors. Et souvent, on sait que quand on sort d'un grand film, d'un film qui a eu un grand succès, que ce soit critique, que ce soit public. Nous, je me rappelle quand on l'a programmé à la Semaine de la Critique à Cannes, c'est quand même un film qui a fait un carton plein, quoi, à Cannes. Il y avait, donc dans un lieu, en plus, où on n'est pas dans un lieu spécifique de l'animation, quoi. Donc c'est vrai de se dire comment un créateur derrière va réussir à rebondir. Il y en a qui y arrivent plus ou moins. J'ai envie de dire que quelqu'un comme Chris Landreth, après Ryan, ben, il arrive plus ou moins, quoi, avec des hauts, des bas. Même pas des hauts et des bas, d'ailleurs, je crois que c'est exagère, mais plutôt quelque chose qui reste en demi-teinte. Et Jérémy Clapin, lui, par contre, arrive à se renouveler, à renouveler son inspiration 3D. Et c'est pour ça, pour moi, c'est quand même un des grands aussi sur cette technique, parce que c'est quelqu'un qui démontre que la 3D, c'est autre chose que toute la normalisation, j'ai envie de dire hollywoodienne, et en tout cas mainstream, qu'on en fait. Donc à chaque fois, ça, il le réinvente complètement, et c'est hallucinant. Et que là, c'est un film qui tend vers l'abstraction. Alors ce que tu disais, Olivier, effectivement, peut-être la manière d'appeler l'enfance, mais aussi sur l'abstraction graphique, quoi. C'est presque un film du vide. Et ça, c'est assez affolant, c'est assez passionnant. Donc c'est vrai que je l'ai pas mis dans ma liste, mais cette liste, elle a été compliquée à faire, et puis il y avait des choses qui par ailleurs s'imposaient énormément. On en reparlera pas parce qu'il est à côté, le producteur, donc c'est ça, on va reparler ça, si, on va en reparler, on parle évidemment de donc de Mademoiselle Kiki, mais voilà, le film de Jérémy Clapin, il manque dans ma liste, mais c'est peut-être parce que j'ai eu envie aussi d'aller vers d'autres choses, peut-être moins évidentes, moins mises en avant. Et peut-être qu'il y a une première, sans doute pour moi, et ce qui te fera rire, Alexis, d'avoir mis dans cette liste des films d'étudiants. J'en ai mis aussi. Hein. Oui, mais toi, on sait que depuis longtemps, tu fais attention. Moi, on peut dire que cette année, c'est peut-être la chose importante de l'année 2013 pour moi. C'est une découverte plus approfondie, même si elle n'était pas ignorée auparavant, mais plus approfondie des travaux d'étudiants pendant leur cursus. On va revenir à ça. Alors, excuse-moi, donc, je te coupe, mais juste après, par rapport au film d'étudiants, et parce que c'est vraiment intéressant. Et j'aimerais qu'on en parle justement un peu plus juste après. Est-ce que certains d'entre vous auraient mis Pelmi Pedarium dans leur liste? Valentine? Non. Rémi? Non. Non. Nicolas, toi? Je me souviens avoir vu Pelmi Pedarium à Annecy, mais il ne m'avait pas plus marqué que ça, en fait. J'avais bien aimé, mais sans plus. D'accord. Donc finalement, non, il ne fait pas partie de ma liste. Il ne fait pas partie, donc on a... Olivier, si on devait continuer, parce que tu n'as pas fait de liste, donc c'est pour ça, si on devait continuer sur quelques films, tu as dit Pelmi Pedarium en haut, et ensuite, est-ce qu'il y a des films maintenant là le pourpoint comme ça qui te reviennent en tête et Je me rappelle à Cannes par exemple, j'ai beaucoup aimé Le Coq de Tervuren, c'est ça qui m'a beaucoup surpris, en fait. Je connaissais le réalisateur, en tout le temps on connaissait tous, on avait vu Tom Schrader, Tom Schrader, on avait vu je sais plus comment il s'appelle ce film la basique, mais après ça il avait un peu disparu. Et moi j'étais très très surpris et séduit par le film, en fait, cette espèce de décalage entre une animation un peu exubérante, pleine de couleurs et tout ça, et ce propos avec cette voix qui est quasiment un témoignage documentaire, mais avec il y a beaucoup de sentiments qui passent là-dedans, je trouve. C'est étonnant comme on est touché par cette histoire qui est, bon, c'est une histoire de coq, a priori, moi ça m'intéresse pas les coqs, mais pourtant il se passe vraiment quelque chose, il y a une espèce d'alchimie, et puis il y a une fragilité dans le film qui, moi, m'a beaucoup touché. Donc c'est aussi un film qui m'a beaucoup plu cette année. Quelqu'un là dans ses films préférés? Valentine? Oui, moi, je sais pas, je trouve ça dur d'en parler, mais je l'ai trouvé très intéressant. Je sais que je l'avais vu à Annecy et il m'avait touché. En fait, je sais pas, je pense que le film d'après, je l'avais presque pas regardé parce que j'étais encore restée dans le film avec cette voix qui raconte un peu. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a un peu chatouillé et qui m'a vachement plu, en fait. Donc, cette alchimie dont on parle, voilà, des fois, c'est pas facile de comprendre quoi. Non, mais je comprends pas, mais il y a un truc qui m'a touché. Rémi, est-ce qu'on commence par toi? Est-ce que tu as mis quelques titres? J'avais demandé, ça super tard. Tu m'as pas précisé, par contre, court ou long métrage. Du coup, moi, j'ai surtout retenu des longs. Qu'est-ce que tu as en cours? On parlera des longs après. Est-ce que tu as des courts ou pas? Cours dans on ce que j'ai adoré. Non. Peu, s'il y en a d'autres. Non, pas de cours. Non, il y en a un que j'ai détesté. Dont tu m'avais demandé. Dans les cours. Vas-y, lance celui que t'as détesté. Ça s'appelle Le Flood Story. C'est un film néerlandais de Marten Isaac de Heer et c'est horriblement long. Et c'était à Annecy ? Oui, c'était à Annecy. C'est un peu une durée d'installation. Oui, c'est un plan fixe pendant 17 minutes. Donc, d'accord. Au bout d'un moment, j'ai regardé combien de temps il durait. J'ai vu qu'il restait encore 10 minutes. D'accord, je me souviens plus bien. Valentine ? Toi, dans les films que t'as aimés ? Je dis tout, là ? Après, on laisse Olivier réfléchir dans l'année. Ah, déjà. Vas-y, alors. Déjà, on sait que t'as aimé Marcel, donc le roi de... Ouais. Après, moi, j'ai envie de parler de Le Jour nous écoute, de Félix Dufour-Lapeyrière, donc du Canada. Donc, moi, qui m'a beaucoup touchée, qui... Enfin, dans les paroles, en fait, j'avais surtout retenu les textes, qui était très très fort, et un procédé graphique qui m'avait énormément touchée aussi, c'était un travail avec des photos ou d'anciennes vidéos découpées pour faire des silhouettes d'un personnage ou comme des souvenirs qui se croisaient, qui s'enchevêtraient, et c'était, je l'avais vu une matinée, et vraiment ça m'avait soufflé, enfin... Ça avait retenu mon attention et j'ai tellement aimé les textes que j'ai acheté le livre, en fait. D'accord, qu'on a là. Donc, qui est Un visage appuyé contre le monde. Donc, ce sont des poésies d'Hélène Dorion, voilà, canadienne aussi. Et vraiment, enfin, c'est un film qui m'a énormément marqué et qui m'a soufflé vraiment. Alors, Le Jour nous écoute est aussi dans ma liste. On va espérer, parce qu'en effet, comme tu le dis, c'est Julie Roy, la productrice, qui en fait l'avait amené. L'ENF et qui l'avait montré, qui m'avait laissé le plaisir de le montrer. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui avait fait 1, 2, 3 Crépuscule, qui est un film que moi j'avais adoré au Festival d'Annecy déjà. C'est un réalisateur passionnant. Et on espère que le film, là on l'a mis dans la liste, mais sera peut-être à Annecy. Il n'a pas eu le temps d'être présenté à Annecy. Donc sera peut-être à Annecy l'année prochaine, en tout cas pour être montré, on va dire, un peu plus cette année. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'ait dans sa liste ou qui l'ait aimé. Moi, je n'ai pas fait de liste. Moi, je l'ai vu au sommet de l'animation. En fait, je suis pas tout à fait convaincu. C'est vrai que les textes sont très beaux, mais je trouve qu'il y a un côté un peu hiératique dans le film. Mais peut-être que là où je vois quelque chose d'un peu hiératique, on peut y voir de la poésie. Donc c'est peut-être voilà. Mais j'ai souvent cette sensation-là avec son travail. Avec son travail. Des fois la pierre. Je trouve qu'il y a, je sais pas. C'est peut-être simplement un problème de sensibilité par rapport à ça. Je trouve que les choses sont trop installées quelque part. Donc ça me gêne un peu. Ouais, voilà. Autre film ? Toujours moi ? Toujours toi ? Bah, on va continuer avec toi. Rémi n'a pas de cours, donc on va continuer avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé Futon de Moriko Mizuchiri. Donc, un film japonais et je ne saurais pas en parler. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, justement, un côté complètement décalé et une sorte de poésie avec les formes qui se transforment. Et, enfin, je sais pas, c'était un peu magique. Alors, il est aussi dans ma liste, Nicolas. Il n'était pas dans ta liste, donc il n'y a que moi qui l'ai mis dans ma liste. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Ah, Olivier, t'aimes beaucoup aussi un Futon. C'est vrai qu'il y a un minimalisme qui est d'une pure beauté, un travail avec le son. Qui est aussi assez extraordinaire. C'est, j'espère en tout cas une jeune réalisatrice qu'on va suivre. On va attendre de voir, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour, de la sensualité. Puis c'est vrai que ce côté minimaliste, c'est très séduisant. Moi, j'aime bien les choses très sobres en général, donc ouais. Ah, c'est un peu l'opposé de Lonely Bones, quoi. Yes. En effet, qui est dans la liste, non ? Ouais. Qui est dans la liste, donc il nous en parlera tout à l'heure. On finit. Ah, si tu avais des films avec Valentine, tu en parlerais, mais donc Futon, donc aussi, quoi, Olivier et moi, on aime beaucoup aussi. Je sais pas, Nicolas aussi, non ? Oui, Nicolas aussi, donc voilà. Autre film ? Donc après, moi j'ai mis Mademoiselle Kiki le Montparnasse. Ah ! Donc d'Amélie Harrault. moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'histoire et oui, les textes aussi. La voix était très très importante, enfin elle m'a beaucoup accrochée. Et justement, ce changement de technique, j'avais bien aimé et ça m'avait. Enfin, je trouvais que ça faisait vraiment comme si on tournait la page dans un livre, comme si on lisait un livre avec cette voix qui racontait, justement. Et puis après, on voit que ça a été tiré d'un livre, justement. Et donc, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était une boucle bouclée qui, je sais pas, j'avais bien aimé ça. Francis, on sait que tu adores Mademoiselle Piguet et Montparnasse. Tu nous as tous soudoyés pour qu'il soit au César à la fin. J'ai couché avec tout le comité d'animation et il n'y a pratiquement que des hommes. Ce qui a été très dur pour toi, mais il est au César. Blague mise à part, on sait que tu aimes beaucoup. Dès Clermont-Ferrand, tu avais dit « Ah, il faut absolument retenir le nom d'Amélie Haro. Il y a quelque chose derrière, il y a sûrement un auteur derrière. » Qu'est-ce qui t'a tant touché que ça dans Mademoiselle Kiki? J'avoue que je sais pas, parce que quand on découvre un film, on sait pas trop pourquoi en dehors de la qualité propre du film, comment on va le recevoir au moment où on le voit. Je me rappelle même pas à quel moment en fait je l'ai découvert, parce que je l'ai découvert un petit peu avant Clermont. Je pense que je l'avais vu en DVD. Et je me rappelle du moment où en plus Olivier, il y avait un déjeuner Arte et Olivier est arrivé en m'offrant un DVD du film et en me présentant Amélie Haro. Donc je m'en souviens de ce moment très fort. Je me souviens aussi avoir fait l'année dernière une émission, donc mon émission de compte rendu sur le palmarès des Césars. Et les pauses musicales étaient la BO de Mademoiselle Kiki et les Montparnasse. Donc, non, c'est un film moi, qui effectivement m'a porté alors, toute l'année. Je pense que c'est pour moi, ça sera peut-être un des sommets donc, de l'année 2013, même si c'est déjà un petit peu fin 2012 et toute l'année 2013 en termes d'animation française. Et après. Oui, enfin, en parlant donc comme ça, ce portrait de Kiki de Montparnasse, cette vie des années 20, complètement folle, complètement créative, bousculante en termes d'art, bah, je trouve que le film la restitue complètement parce que ce qu'a dit finalement Valentine avec ce mélange de techniques, cette foison comme ça, le film est très dynamique et en même temps le film sait, et ce qui manque peut-être à plein d'autres films. On en reparlera tout à l'heure avec le long métrage, mais c'est faire quelque chose, c'est travailler le rythme. Et il faut pas confondre rythme et précipitation et accumulation. Et donc le film d'Amélie Haro, ben c'est travailler ça et toute cette fin qui d'un seul coup se pose et devient complètement la fin d'une vie, quelqu'un qui finalement finit seul, et ben devient un film très simple avec peu de choses, peu d'éléments, et sauf que les éléments qui sont là sont les éléments justes. Une chanson, une voix, un dessin sobre d'un seul coup. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que, à mon sens, bah, un auteur s'impose, quoi. Et c'est pour ça, à mon avis, de la même manière, tout à l'heure, on parlait de Skigzagn, de Jérémy Clapin, comme à un moment, un film qui marque une époque, qui marque, qui est une pierre dans le parcours de l'animation française. Je pense que le film d'Amélie Haro, c'est aussi une pierre. Et je dis à Olivier, à Serge Elissal, bravo de l'avoir produit, quoi. Est-ce que Rémi Nicolas, vous l'auriez mis, vous, dans votre liste ou pas? Moi, je l'ai trouvé très beau formellement, vraiment très très fort. Et en fait, j'aime beaucoup la manière justement dont il démarre un petit peu sous forme d'esquisse pour essayer ensuite de prendre beaucoup d'ampleur comme ça. Mais j'avoue qu'au niveau de l'histoire, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement touché. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà peut-être un petit peu vu, lu ailleurs. Et c'est le seul petit point qui m'a un peu gêné. Mais sinon, le film, j'ai trouvé quand même vraiment très très fort. Formellement, il était très très bien. Oui, mais c'est parce que t'es un sans-cœur, Nicolas. Juste pour les gens qui écoutent, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avais proposé à lui et Francis, c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place. C'est évidemment d'avoir ces moments de critique aussi qu'on a très peu sur le court métrage d'animation et même sur l'animation où justement on en parlait avec Nicolas. Il y a peu de critiques et ne pas hésiter à dire aussi des choses pas forcément très bonnes, très bonnes, même sur un film qui a beaucoup de succès. Souvent les réalisateurs sont demandeurs. Je sais que j'ai discuté pas mal avec Amélie qui était énormément demandeuse de dire mais il n'y a pas des choses qui sont moins bonnes dans le film ou quoi, parce qu'on dit toujours un peu la même chose en disant bah, c'est un beau film ou on m'en parle pas, ce qui veut dire que les gens n'aiment pas, mais on va pas plus loin. Toi Rémi, tu l'aurais mis ou pas dans ta liste? Moi je pense que je l'aurais mis, ouais. Ouais. Même si après l'avoir vu 40 fois, j'en peux plus. Ce qui passe à chaque fois qu'il y a une projection. Olivier, est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite, de ce que ça a amené? Parce que Kiki et Montparnasse a eu un très large succès dans les festivals. En tout cas, elle a été beaucoup montrée, pas mal de prix. Et aujourd'hui, Amélie travaille sur quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Oui, si tu veux, oui. En fait, le court-métrage lui-même a amené un projet. Donc, on a une société de production a contacté Amélie pour co-réaliser une série documentaire pour Arte Donc qui mélange des images d'archives et de l'animation, et c'est l'évocation de la vie artistique à Paris entre 1900 et 1945, donc tous les artistes, les peintres, mais pas seulement, les écrivains, les sculpteurs et tout ça. Donc c'est tiré de... Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça de roman, mais en tout cas, c'est des livres de d'Anne Frank, qui a raconté en... Je crois qu'il y a 5 ouvrages au total, mais ils ne sont pas tous adaptés, il y en a 3, qui évoquent toute cette vie parisienne, voilà. Et donc on va essayer de mélanger de l'archive, de l'animation, avec justement différentes techniques, en essayant de faire assez simple, on va essayer de faire plus simple que dans Kiki, et d'évoquer toute cette, tout ce foisonnement artistique qu'il y a eu à cette époque-là. Ouais. C'est un gros challenge, je suppose que Kiki c'est sur plusieurs années, ouais, ça a été long. Alors que là je suppose qu'il y a une date long, déjà compliqué. De rendu. Là il faudra terminer, on commence en février, il faudra terminer en avril 2015, donc effectivement il va falloir trouver des solutions pour que ça aille assez vite. Moi, ce qui me semble important, c'est d'essayer de garder un peu la liberté de forme qu'il y avait aussi dans Kiki, qui ont pris des choses assez rough, comme on dit. Hein, donc, parfois même simplement des images ou des dessins esquissés. Ou, voilà, il y aura aussi de la peinture, du papier découpé, des choses comme ça. Et garder une énergie. Je trouve que ce qui fait la force de Kiki, notamment, c'est cette énergie et ce rythme, effectivement. Et la capacité d'incarner un personnage, et on va essayer de retrouver ça aussi, hein, voilà, dans cette rencontre archive animation qui s'annonce très excitante. Tu m'as dit que les premiers essais, certains d'entre vous ont eu la chance de voir des premiers essais. Oui. les premiers essais étaient plutôt concluant et donner, ouais, vraiment envie. Ouais. Ouais. Après, il faut trouver la place de la voix. D'ailleurs, ça a été un problème dans Kiki aussi, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne trop de place. Mais au niveau de l'image, je pense qu'il y a, il y a une rencontre qui se fait vraiment entre l'archive et l'animation qui est très intéressante. On a peut-être une chance d'avoir Amélie dans le studio à ce moment-là, parce que je sais qu'elle est très occupée, que c'est difficile peut-être de la voir, mmh, que Radio France n'a pas pu la voir, que je ne sais pas, mais on est bien ici. Il lui dit qu'en tout cas, elle est la bienvenue si elle veut discuter à un moment donné de ça. Je redirai. Comment on sait, on se dit, quand le film est fini, tu vois la première version et tu te dis, c'est un film qui... On a toujours envie, évidemment, en tant que producteur, qu'un film marche en festival, mais là, on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus ou... Moi, c'est dès que j'ai vu Amélie, j'ai regardé le dossier et je me suis dit, oh là, ça, super. Et puis, elle a montré son premier animatique dont il reste plus grand chose aujourd'hui, hein. Mais là, j'étais sûr que ça allait être un film super, quoi. Même si l'animatique a été changée complètement. Même si l'animatique, je sais pas, il y avait quelque chose. Je sais pas, il y avait déjà cette énergie, cette incarnation qu'il y avait dans le film, voilà, qu'on retrouve au bout du compte. Donc, moi, j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que le film allait être très réussi et qu'il allait très bien marcher. Bon, et puis peut-être que Valentine nous fera des petits podcasts d'Angoulême, puisque voilà, normalement... Parce que Valentine va être stagiaire sur la série. Ouais. Voilà, donc j'espère qu'elle nous fera et qu'elle nous fera vivre un petit peu, pourquoi pas, la série. On continue la liste, Valentine ? Toujours dans le court-métrage ? Toujours dans le court. Ok. Astigmatismo, de Nikolaï Trochinski. Donc moi je l'avais vu avant Annecy, et en fait j'aimais beaucoup la musique déjà, et en fait je sais pas, je trouve que le rythme marche bien, et enfin la technique m'impressionne, en fait la technique, enfin cette impression d'espace qui change tout le temps et de quelque chose d'assez instable mais en même temps qui est assez posé, enfin parce que enfin il y a quand même une ambiance qui est là et qui est très très forte. Enfin, je sais pas, j'avais beaucoup aimé ce rythme qui était de plus en plus fort et puis finalement qui se pose d'un coup comme si, je sais pas, comme si on plongeait dans l'eau et puis ça s'arrête. Et une sorte de ralenti, et j'avais bien aimé cette impression-là. Et quand je l'ai vu à Annecy sur grand écran avec du bon son, vraiment, enfin là, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché, enfin ça m'avait beaucoup transporté en tout cas. À part ça, voilà. Alors moi, Astigmatismo, c'est un film qui, j'avoue, j'ai pas mis... Kiki de Montparnasse dans ma liste de 10. Il a été pendant très longtemps, c'est-à-dire que je pense que s'il y avait une liste de 15, il est dans la liste de 15, et pendant très longtemps, il a été au coude à coude avec justement Astigmatismo, que j'avais pas mis, et dans ma première liste que j'aimerais, parce qu'évidemment j'étais en retard comme d'habitude, donc ma liste n'est pas parue d'abord, et ensuite elle est parue après, et en fait elle était Madame Kiki, après je l'ai enlevée, j'ai mis Astigmatismo, parce qu'en effet j'avais trouvé qu'Astigmatismo, je pense que j'aurais pu mettre les deux, en fait j'avais mis les deux, et Marco de Bloch, très carré, m'a dit non, pas d'égalité. Donc j'ai dû en enlever parce que j'en avais 14 en fait réellement dans ma première liste avec plusieurs égalités comme ça, parce que je pouvais pas, mais oui, mais je trouve ça dommage de faire des, ben voilà. Donc et je trouve qu'Astigmatismo, ce qui m'a plu aussi, je pense, c'est dans dans le côté un petit peu frondeur du film. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait mis dans son... Ouais, oui, Nicolas. Non, il était vraiment magnifique. Mais justement, ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est le genre de film qui est projeté à Annecy, mais qui était déjà visible avant sur Internet. Ce qui avait occasionné, il me semble, un petit débat, justement, sur le fait de le mettre en sélection ou pas, alors qu'il était déjà visible. Et c'est le... Mais c'est un film qui était vraiment, vraiment magnifique, je trouve, qui oublie un petit peu, justement, l'histoire pour se concentrer vraiment sur des effets visuels assez impressionnants et vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Peut-être un film qui prend, justement, même énormément son ampleur sur le grand écran, finalement. Voilà, beaucoup plus que sur un petit. Moi, j'avais vu sur le petit, j'avais trouvé ça beau, mais finalement, sur le grand, je l'ai trouvé beaucoup plus impressionnant. Mm-hmm. Astigmatismo, pas forcément chez les autres. Non. Moi, j'aurais pas mis dans mes 10, mais je trouve le film réussi. Je trouve qu'il arrive à créer un univers comme ça, une atmosphère qui est... Ouais. Après Je pluriel, c'est quand vrai même que c'est un... beau. Ouais. Après Je pluriel, ouais, c'est déjà confirme, très beau aussi. Hein, ça confirme, je pense que Nikolaï Trojinski, en effet, plein de choses à dire. Valentine, encore des films ou Après, j'en ai plein après. Bah, c'est 10 de 10, après, on va pas. Je sais pas si j'en ai 10, je pense que j'en ai plus. Donc, bah après. Comme elle ici, alors. Je dirais Gloria Victoria. Ouais, Théodore Ruchev. Théodore Ruchev. Je l'ai trouvé super intéressant et en même temps, enfin, ça m'a, enfin, j'ai beaucoup aimé la 3D. Le relief, donc. Ouais, ouais, le relief, ouais, l'idée du relief qui marchait bien. Et enfin, justement, je suis pas très relief. Hein, j'aime pas trop ça. Et je trouvais que ça marchait bien. Et finalement, ça m'a. Enfin, je suis quand même rentrée dans le truc. Après un petit peu de réticence. Et puis, enfin, au final, je me dis, il était quand même super intéressant. Enfin, j'avais bien aimé aussi justement ce rythme et. Je sais pas, je saurais pas trop en parler aussi non plus, mais je l'avais bien aimé. À chaque fois, t'en parles quand même pas trop mal, hein, mais Nicolas, je crois qu'il est dans ta liste, ouais, non? J'ai participé un peu au consensus qu'il y a eu dans les 15 listes. Le film qui est sorti des 15 listes. 11 fois ou 13 fois, je crois, sur les 15. C'est ça. Hein. Donc oui, moi, il était dans mon favori de l'année. J'ai vraiment trouvé le film absolument magnifique. D'un point de vue rythmique, justement, qui était vraiment hallucinant. C'est le troisième volet d'une trilogie politique aussi. Et justement, on ressent bien toute la force et un peu aussi l'engagement. Et aussi, d'un point de vue graphique, toutes les influences de Théodore Ruchev, qui travaille au Canada, mais qui est à l'origine bulgare et qui a un peu grandi aussi sous le régime communiste. Donc, et on ressent vraiment, vraiment, vraiment la force... du film, et la 3D était vraiment splendide aussi. Ouais. Francis, il est pas dans ta liste, je crois, non? Si? Si. Si, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. En fait, il était pas forcément au début, et j'ai pas mal réfléchi, j'ai aussi un peu bousculé la liste. Moi, il y en avait 11, donc je me suis dit, bon, faut en virer un, comment je vais faire? C'est pas le film de Théodore Ruchev, effectivement, qui m'a posé problème. Bon, après, ce que j'aime, c'est ce que tu disais, Nicolas, c'est aussi, comment, dans l'animation, on peut avoir un discours politique et comment on peut se servir, puisque lui recycle énormément toutes ces images du constructivisme, de la grande période soviétique. Comment on peut utiliser l'image pour montrer ce qu'elle porte en elle de discours politique, de propagande. Et je trouve que ça, c'est assez. Je comprends pas forcément. Et c'est ça, à la limite, qui est intéressant. On n'est pas forcément dans une logique de compréhension du film, mais en tout cas dans une logique déjà de réception, et à partir de là, de voir qu'effectivement, les images peuvent te diriger, quoi. Et donc, bah, toujours, finalement, ce qu'offre le cinéma, peut-être, de Théodore Ruchev un certain nombre de fois, c'est comment être en réflexion par rapport aux images, se jeter dedans, mais aussi pouvoir prendre distance avec elles. Olivier, est-ce qu'on n'arrive pas, là, avec Les Journaux de l'Ipset, il a fait d'autres films avant, mais entre Les Journaux de l'Ipset et Gloria Victoria, Rossignol en décembre, notamment, moi, un autre film que j'aime beaucoup, qui va sortir bientôt, qui est 7e page, ça y est, j'ai un trou de mémoire, mais qui était, avec son nouvel... C'était l'objet d'une exposition voilà, à Montréal. 3e page. From Web, ouais, voilà, tout à fait. Est-ce qu'on n'assiste pas, là, vraiment, à plus qu'un auteur, quelqu'un qui, d'un seul coup, impose un... Pas un courant, mais il y a quelque chose de très fort, je trouve, chez... C'est pas un courant, parce qu'à mon avis, il est un peu seul dans ce registre-là. Et encore, c'est des registres. Parce que le Rossignol en décembre, par exemple, ou même Les Journaux de l'Ipset sont dans une autre... alors, il y a cette force de création visuelle avec le même background visuel, on est d'accord. Mais on n'est pas dans la même gamme de films. Mmh. Moi, je le préfère dans un registre plus intime, malgré tout, Théodore. Ouais. Mais il est génial, effectivement. C'est un univers qui est tellement fort. Il arrive à emporter comme ça. C'est vraiment unique, quoi. Il n'y en a pas deux. Donc, forcément, il a déjà marqué l'histoire de l'animation et il va continuer. Et un petit scoop, il va travailler sur la série que va réaliser Amélie. C'est vrai. On engage Théodore au chef, exactement. Pour être animateur sur... Sur une séquence. Sur une séquence. Waouh. Ouais. Et j'aurais aussi sûrement mis dans les 10 hein, les films de... Classe. De Théodore. Je sais que ça fait un bout de temps que t'es derrière Théodore. Donc, à défaut, c'est vrai qu'il a quand même 20-25 projets tous les deux mois. Donc Gloria Victoria, qui, oui, pour moi, j'avoue que je l'ai mis dans la liste plus parce qu'il y a cette idée de cet auteur qui, pour moi, m'impressionne énormément aujourd'hui dans quasiment tout ce qu'il fait. Et même si Gloria Victoria, j'ai dû le revoir, il n'était pas dans ma première liste. Je me suis demandé est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, justement. Alors en plus, vos listes étaient déjà parues, donc je me suis dit, bon, je sais que je vais. Et je l'ai revu. Ça sort tellement du commun. Et voilà, il y a quelque chose d'assez qui est étonnant, impressionnant. Hein, ouais. Ouais. C'est vraiment un grand, grand auteur. Valentine, encore un ou deux? Parce que là, t'en as 28. Je sais pas, j'ai pas compté. Un ou deux vraiment là que t'adores? Moi, je dirais autour du lac. Bon, c'est des films qu'on retrouve un petit peu cités aussi. Hein. Autour du lac, énormément cité, ouais, tout à fait. Pourquoi? Pour le rythme, l'ambiance un peu barrée, un peu décalée et le côté graphique, vraiment qui me, enfin l'ambiance vraiment qui, je sais pas, qui est très entraînante et en même temps, je sais pas, moi le côté graphique au début, je m'avais surpris et j'avais du mal à rentrer dans le truc. En fait, c'est le rythme qui m'a emporté et puis finalement, enfin, finalement le rythme. Un autre, on fera, parce que comme ça vous ferez un petit peu vos films aussi, messieurs, parce que sinon un dernier. Si tu devances, c'était un dernier là, allez, je dirais Peau de chien. Ok, mais un peu moins, enfin il m'a moins englobé et moins pris dans le truc, mais j'avais beaucoup aimé, enfin il m'avait impressionné. Nicolas Jacquet, donc en effet un film qui, moi aussi la première fois que je l'avais vu, m'avait laissé un petit peu, pas froid, mais oh, c'est un peu étrange, et plus je le revois, plus je trouve qu'il est d'une force assez étonnante. Il était pendant très longtemps, en effet, je me demande s'il n'est pas dans ma liste, en tout cas, je ne connais pas toute ma liste, mais en tout cas je sais qu'il aurait dû l'être, non, il ne l'est pas, il était dans mes 3 favoris au César, mais je crois que je n'ai pas fini par le mettre, mais en tout cas c'est vraiment un beau film. Il était dans les 14. Il était largement dans les 14. Quelqu'un d'autre, Peau de chien, ou pas forcément? Si, moi j'aime beaucoup ce que fait Nicolas. Je trouve que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ose, qui est, voilà. C'est bien quelqu'un qui ose comme ça, je trouve. Donc je trouve ça toujours très stimulant. Quoi. Pareil, c'est un vrai personnage. Ouais. Alors on a beaucoup de personnages à part, hein, mais c'est un vrai personnage à part quand même dans le monde de l'anime. Hein. Si jamais t'as un autre film, tu le gardes en tête et tu nous le diras tout à l'heure dans des films. Francis. Toi, est-ce que peut-être pas la liste forcément? Non, parce que je pense que c'est pas forcément. Mais 3-4 films vraiment, qui t'ont. Mademoiselle Kiki, on a déjà parlé bon, sur quelques ça, films. Mais bon. Effectivement, et je reviendrai pas dessus. Par contre, je réagirai juste à ce que vous disiez là par rapport au fait de Nicolas, donc et toi, Alexis, par rapport au fait de sur un film. Effectivement, faire une vraie critique. Moi, ma vraie critique sur le film d'Amélie Harrault, c'est que de toute façon, j'ai rien de négatif à dire dessus. Donc, si tu veux, je vais juste pouvoir, pouvoir y aller à fond et dire ce qu'il faut. Là, c'est au contraire que j'affirme ma conviction sur le film. Donc, c'est pour ça, et je serais incapable de lui dire, bah non, tu comprends, ça marche pas. Marie-Christine Horry, c'est pas une bonne idée. Alors qu'au contraire, c'est la très grande idée d'avoir fait appel à elle pour la voix. Enfin, je trouve que ça rajoute une gouaille, une présence. Et voilà aussi des acteurs qu'on met un peu de côté, dont on parle pas tant que ça, et qui sont des acteurs qui sur l'animation font un super boulot, mais qu'on ne connaît pas et qu'on met pas en avant après sur des campagnes de marketing, et qui quand même sont là pour porter et incarner. Et voilà, s'il y avait des prix d'interprétation sur l'animation, ça serait un prix allant à Amélie Harrault, Marie-Christine Horry, pour le prix d'interprétation féminine quoi. Sur Mademoiselle Kiki. On va y arriver à ça. Ça va être juste quelque chose d'intéressant quoi. Donc après, dans ta liste, quelques films que tu mettrais dont on n'a pas forcément parlé. Dont on a parlé, quand même, j'y tiens parce que ça a été un des chocs à Annecy, et c'est un choc inattendu pour moi parce que son côté trash, décalé, barré, enfin tout ce que t'as dit et sur lequel j'en rajouterai encore des caisses, c'est Autour du lac, parce que Autour du lac, voilà, moi ça me fait bander quoi d'un seul coup, parce que c'est moche, mais c'est moche à juste titre, et puis je dis pas que moche c'est une critique, oui, et en plus moi, je vois le film, donc juste après, j'envoie un mail au De Réal en disant, en plus, il me faut la chanson, quoi, j'en ai besoin, je veux la passer. Et Carl Rosens, donc, en fait, qui est l'auteur de la chanson, donc avec un groupe où il est seul qui s'appelle Carl et les Hommes Boîtes. Donc, il y a un album qui est sorti en Belgique, chez Piaz, et Piaz France ne le sort toujours pas. C'est un album à mi-chemin entre Arnaud et Tom Waits, quoi. Wow. Voilà, et cette chanson, quand on la réécoute, mais il faut aussi l'écouter toute seule, c'est quand même un grand moment de bonheur, quoi. Ça joue beaucoup dans le film, à mon avis. Ouais. Complètement, quoi. Ouais, ouais. Et qu'on finit par, effectivement, ce que tu disais, Valentine, se mettre dans le film. Ouais. C'est vrai que la chanson, qui est vraiment conçue comme ça, avec une progression, donc très, très tenue au début, et qui part de plus en plus avec cette espèce de fanfare complètement désaccordée à la fin du film, c'est un grand moment de bonheur. Donc voilà, moi, ça a été un des grands moments de mon année, donc sur un film dont on pourrait être surpris, qu'il soit dans ma liste et que j'en parle autant, parce que c'est vrai que voilà, il me plaît beaucoup. Après, j'ai parlé tout à l'heure de La Nuit américaine d'Angélique. Je trouve qu'il y a un film sensible, alors adapté d'un texte d'Olivia Rosenthal, donc qui est un récit, un témoignage d'une jeune femme qui découvre La Nuit américaine de Truffaut avec son père, et qui, au sortir de la projection, veut être le personnage de Nathalie Baye dans le film, donc veut être script. Et c'est comment, finalement, un rêve d'enfant n'en devient pas forcément un, sachant que là, ça n'est pas forcément grave que ça n'en soit pas un. Donc c'est un film sur les rapports parents-enfants et sur les rêves d'enfance qui se transforment ou pas en réalité. Et puis parce que moi, il y a une sensibilité que j'aime beaucoup dans le graphisme de Pierre-Emmanuel Lillet, une finesse, une délicatesse, une élégance aussi. Et le Pierre et le Loup qui vient de faire, qui a été diffusé sur France 3, qui est à mon sens, alors là, effectivement, je pourrais avoir beaucoup de réserves, mais pas sur la partie animation, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement. Tant mieux pour Pierre-Emmanuel Lillet, mais malheureusement pour le film, que je trouve très déséquilibré et qui réussit mal sa partie non animée, à mon sens. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Puis c'est pas parce qu'Olivier est là, mais ça, par contre, ça a été une des découvertes de ma fin d'année. C'est une coproduction. C'est Neige, d'Ivana Sebestova, donc Slovaquie-France. Peu de gens l'ont vu encore. Voilà, mais c'est pour ça. Amenons aussi, moi j'avais envie, c'est vrai que avant de faire la liste, je me suis dit, mais ce film-là, est-ce qu'il a été beaucoup vu? Et je me rappelais des posts sur Facebook, donc je savais qu'il avait déjà une petite carrière en festival. Donc comme l'indication de Marco Dolbois, c'était des films en festival en 2013, donc je me suis dit, je peux y aller. Et donc, allons-y. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un film très lyrique, très beau graphiquement, très riche en couleurs, très chaud. C'est une grande histoire sur la folie amoureuse, mais en même temps, c'est un film qui va vers la vie, puisque la fin est ouverte et généreuse, et pas fermée. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un film qui transporte, quoi. Alors autant je suis pas tout à fait, j'ai un peu de mal avec La Nuit américaine, il y a un grand talent derrière, Pierre-Emmanuel Lillet a vraiment un grand talent, je reste clarté aussi, hein, bien sûr, autant c'est vrai que j'ai pas été en... Autant Neige, il y a un film en effet qui m'épate, parce que à la fois il me séduit pas complètement au niveau visuel, et pas en anime, on sait que c'est important, et à la fois les personnages restent pour moi. Ça, je trouve qu'il y a une vraie force de ces personnages. On a envie de rester dans ce café, on en sort à la fois, on est, il y a quelque chose d'assez magique. Tu vois, si on parle, puisqu'on parle de prix d'interprétation, enfin, quand tu vois le personnage féminin de Neige, t'as autant de projection en tant que spectateur que tu vas avoir de projection sur une actrice. Et c'est ça que le film réussit d'absolument fantastique. En plus, elle est belle. En plus, elle est magnifique. Et dans sa robe rouge, enfin, voilà, quoi. On peut avoir des fantasmes sur un personnage. Et ça, c'est important. Oui, c'est ce que j'ai vécu à la limite à l'époque sur Madame Tootley-Pootley. C'est que d'un seul coup, donc là, qui était une animation en volume, c'est qu'on est face à un personnage animé, une marionnette ici, donc du dessin, et d'avoir des projections, des fantasmes qui vont être les mêmes que sur une actrice, avoir ce sentiment de l'incarnation. Et ça, voilà. Et là, d'un seul coup, on parle que de cinéma. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est aussi important pour la mise en avant de l'animation, de dire, voilà, quand on a envie de dire que c'est du cinéma avant toute chose, c'est que, voilà, il y a des exemples où on peut en parler comme n'étant que du cinéma et pas une technique particulière. Et on parle de cinéma d'un seul coup et plus de technique. Un autre film que tu aimerais sortir de ta liste? Un dernier? Vraiment que tu dis, sauf s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Non, parce qu'après, je trouve que ça fait une avalanche de titres comme ça et que je préfère en avoir même moins que les 10. On peut avoir ta liste? Moi, j'ai amené mes éléments. Toi, tu n'as pas préparé ton émission. J'ai pas d'imprimante pour ça. Nicolas? Alors, est-ce que tu as deux, trois films que tu aimerais sortir de ta liste? Oui, il y a un film que je sais que je suis le seul à avoir cité. Alors, je ne sais pas si personne ne l'aime, s'il a été complètement insignifiant pour les autres. C'est La Grosse Bête de Pierre-Luc Grangeon, qui est l'un des films, l'un de ses nombreux films qui sort, j'ai l'impression, cette année, dans lequel il revient avec une technique qui se rapproche plus du loup blanc qu'il avait fait déjà il y a quelques années, beaucoup plus que ce qu'il avait fait pour Pugne et toute cette série sur les quatre saisons. Et en fait, j'ai énormément aimé La Grosse Bête, qui est vraiment une espèce de discours un petit peu sur tout le processus sécuritaire qui sévit dans les sociétés actuelles, et amené dans une espèce de simplicité qui soit aussi formelle, graphique, et qui est vraiment, vraiment admirable. Donc, et cela, Il est quand même dans la liste des 10 des Césars. 15. Non, des 10. Il est quand même passé dans les 10. Donc, d'accord. Je pense qu'il a pas. Enfin, moi aussi, il m'a touché. Je l'aurais pas forcément mis, en effet, dans cette liste. Mais c'est un film qui est bien. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très fin. C'est toujours très juste, très fin, très intelligent. Et très beau graphiquement. Aussi, c'est très, très, très intéressant et très, très intelligent, je trouve, justement. Et c'est un petit peu comme dans Loup Blanc, qui était quand même une espèce de conte à la base pour enfants, mais qui était extrêmement sordide et assez dur, et qui reste toujours quand même. Enfin, qui passe pour tout le monde, et c'est assez étonnant la manière dont il arrive à faire ça, en fait. Donc, t'as raison. Donc, c'est très bien d'en parler, de La Grosse Bête de Pierre Le Grandjean. Tu as mis Subconscious Password de Christian Bale. Ouais, que j'ai trouvé. Pour moi, c'est vraiment son meilleur film depuis Ryan, justement. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très intelligent. C'est une espèce de farce en même temps. C'est très simple, mais ça marche particulièrement bien dans le jeu des références, et puis aussi dans la manière dont il a d'utiliser justement toutes les techniques d'animation 3D, la manière dont il a de représenter le passage dans le cerveau, justement, et puis voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la suite de Ryan, après justement un passage peut-être J'aime bien The Spine. Je pense que vous êtes un peu dur par rapport à The Spine, qui est un film, quand vous regardez, qui est vraiment beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Mais c'est pas 2013, et peut-être moi, l'une des déceptions de 2013 que tu as mis dans ta liste, donc on pourra en parler, qui est Feral de Daniel Souza. Et j'adore, j'avoue, Fable de Daniel Souza. Je sais pas si vous vous rappelez, qui est un film que je trouve extraordinaire. Qui est en peinture animée, qui est avec un aigle et une femme, enfin qui se transforme en aigle, une espèce d'histoire d'amour contrarié. Et je suis moins fan de Feral. Alors vas-y, je t'écoute. Feral, j'ai trouvé vraiment passionnant aussi. C'était, là aussi, c'est assez minimaliste dans la forme, et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui prend vraiment, justement, dans Feral, dans une espèce d'enfant loup qui reprend. C'est le conte traditionnel repris. Alors, ce qui me paraît. J'ai des réserves sur Feral. Oui, toi aussi. Ouais. Enfin, j'aime bien Fable aussi, enfin, que je trouve qui était beaucoup plus simple quelque part. Je trouve que dans Feral, il y a quelque chose d'un peu lourd dans le propos qui me gêne, moi. Ouais, je trouve qu'on n'est pas justement dans cette. Je trouve ça un peu lourd. Ouais, je trouve ça un peu. Enfin, mais bon. Mais je sais que beaucoup de gens aiment. Après, il y a aussi d'autres films, justement, aussi, que j'ai dû enlever de la liste. Que je trouvais vraiment particulièrement intéressant aussi, notamment, justement, le film de David O'Reilly, l'espèce de petite film qui dure une minute, qui est visible sur Internet. Qu'il avait fait sur iPad, c'est ça. Voilà, qu'il avait fait sur iPad, qui était vraiment très, très drôle. Et aussi, justement, avec la technique de gravure, plus ou moins, mais qui est plus vraiment de la gravure, puisque c'est sur un iPad. Donc, mais qui était très, très amusant aussi. Ouais, c'est un autre ? Un dernier ? Non, parce que dans la liste, tu as pas mal de choses que les films. Ce qui me paraît intéressant dans ces listes, je le disais à Marco Deblois, je trouve que la force, c'est justement de parler de courts-métrages, alors qu'on n'en parle pas, on ne fait pas forcément des listes. Moi, j'ai dû faire des listes pour un site qui s'appelle Culture au Point, des amis, et j'essaie toujours de mettre des courts-métrages en même temps que les longs, mais c'est vrai que ce n'est pas évident à faire. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir se plonger dans les listes. D'abord, je trouve qu'elles parlent beaucoup des gens eux-mêmes. Je trouve ça assez passionnant. Je vais pas commencer, t'inquiète pas, Francis s'en va, ça y est. Mais je trouve ça intéressant. Alors, il y a des films que moi j'ai pas mis, mais que je trouve intéressant, comme Love Games de Jung Yumi, coréenne, qui est un film absolument assez surprenant, noir et blanc, avec un homme et une femme, et qui a un côté assez étrange. Des gens dont je trouve intéressant de parler, comme Julia Pott, The Event, même si j'aime pas son film. Julia Pott a un univers qui est vraiment très très particulier. Caleb Wood, il y a pas mal de choses. En effet, dans cette liste, on va en parler. Il y a C'est au Lavomatique que ça a commencé, de Marion Vin. Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Rasputin, de Céline Deveau. I Am Tom Moody, d'Ansley Anderson. Playing with Fire, d'Alexandra Levasseur. C'est tout. Et je crois qu'on est les deux seuls, Francis, à avoir mis des films d'étudiants. C'est quand même étonnant, non ? Pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, Olivier, est-ce que toi, tu ne mettrais pas des films d'étudiants ? Tu regardes des films d'étudiantes et, Oui, il y a Rabbit Endir, je crois, qui est un film d'étudiant aussi. Oui, c'est un film d'étudiant. Voilà. Mais vraiment très très pro pour le coup. Oui. Et Plug and Play aussi, qui est un film d'étudiant. Plug and Play, oui. Que j'ai failli mettre dans ma liste, qui était mon 11e en fait. Ah ouais. Et oui, moi, tu sais, les gens qui s'emboîtent, j'adore. Je vous ai dit que c'est lui, ça parlait plus des gens eux-mêmes. Oui, mais je l'ai pas mis. Oui, mais quand même, hein, il était. En revanche, je crois que. Nicolas a mis Trespass, non, c'est ça? Oui. Moi, je veux bien que tu en parles, Trespass, parce que moi, ce film me laisse un peu indifférent. Donc, disons que bah, pour moi, Trespass, c'est aussi un film qui aurait fait partie du Off Limit. Pratiquement, on est vraiment aussi à cheval entre l'animation, on est dans, c'est de la pixelation, et puis vraiment quelque chose d'autre qui a vraiment plus de rapport avec la prise de vue réelle. Mais pour moi, Trespass fait vraiment partie d'une espèce de. Comment dire. Suite de tout ce qui est cinéma expérimental et animé aussi autrichien depuis quelques années. Et je trouve que le film fonctionne vraiment très très bien. La manière dont le réalisateur se met lui-même en scène, justement, en passant de plan à l'autre, comme ça. Disons que... comment est-ce que je pourrais... C'est un genre de film aussi sur lequel il est assez délicat de... s'exprimer et que c'est pas toujours évident justement d'en parler, notamment parce que c'est un film qui a tendance à passer à un autre stade de narration qui est pas justement le stade narration narratif qu'on voit habituellement et qui joue beaucoup justement sur des jeux de couleurs de symétrie, de correspondance formelle d'un plan à l'autre. Et finalement, c'est vrai que sans l'avoir vu et sans l'avoir en face, c'est pas forcément évident, justement, non plus d'en discuter. Mais c'est un film qui m'avait vraiment, vraiment aussi beaucoup marqué dans l'espèce de message qu'il peut essayer de porter, mais surtout dans la manière dont le réalisateur, justement, va entrer dans les images, entrer dans son film et essayer de réaliser quelque chose pratiquement tout seul, comme ça. C'est la problématique des fois en animation, ce côté presque exercice pour les uns. Oui, et pour moi, c'est rentrer complètement dans quelque chose de très fort. Moi, je trouve fort ça brillant, pour les autres, mais je trouve ça très, très formel finalement. Ouais, je trouve que c'est un concept brillant. C'est quelque chose qu'on retrouve peut-être dans ma liste, c'est-à-dire quelque chose qui est avec un cinéma qui reste assez formel, justement. Ça fait partie aussi évidemment de pourquoi on aime l'animation. On va finir là, on va faire une pause et on va prendre. Et ensuite, on fera donc les longs métrages, les films d'étudiants. Francis va nous dire à quel point il aime les films d'étudiants. On parlera des longs métrages. Francis va nous dire à quel point il aime pas les longs métrages. Et on finira là-dessus dans cette dernière demi-heure, juste pour vous dire donc rapidement dans ce palmarès global de ces listes, 11 mentions pour Gloria Victoria donc sur 15, 8 mentions pour Palmipedarium et Subconscious Password, 6 mentions pour Retour du Lac, 5 mentions pour Futon et Marcel King of Tervuren, pardon, et un film dont on n'a pas parlé quand même là aujourd'hui, qui est Lonely Bones, enfin on en a parlé mais pas gentiment, de Rosto tout à l'heure, 4 mentions pour Ferrad, Mademoiselle Kiki des Montparnasse et Plug and Play dont on vient de parler, 3 mentions pour Astigmatismo Balls de Spela Chadej. J'aime beaucoup. Bah, aussi. Voilà, je me doutais. Hein. Spela Chadej. Voilà, hein, slovaque, je me disais, ça m'étonne. Non, elle est slovène. Slovène. Donc, Invocation de Robert Morgan, en effet, qui est un film très étonnant. Neige, qui a 3 mentions. Trespass, bravo. 2 films des 3 ours dans les lits, c'est très bien. Alors, Ariel, on va faire un truc, parce qu'évidemment, on est largement en retard. Donc, on va zapper le cinématographe de Boris Vian. C'est dommage. C'était la 7. On va louper Frédéric Bach nous parlant du film Fleuve. On mettra. On va passer à la 8. Non, 8 seulement directement. Une petite chanson que personne. 8, oui, pardon, je fais comme ça. 8, seulement la 8. Une petite chanson que vous allez connaître normalement. C'est pour le début de l'année, comme ça, pour rester dans l'énergie et pour ne surtout pas s'arrêter. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Through the sky like a tiger. good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. Donc on était sur l'idée d'une matinée dance floor avec Valentine, Théodore Ruchef, Nicolas, moi, il faudrait trouver d'autres personnes, Amélie, elle danse. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, je suis d'accord, c'est le bilan de l'année 2013, on fait un petit peu. Donc c'était bien sûr Don't Stop Me Now, Queen, et on ne va pas l'arrêter maintenant parce qu'il est bien parti. Oh, quelle transition incroyable. Rémi, dernière partie de l'agenda, ou l'agenda. Alors, on va commencer avec les trucs pas marrants et puis après on fera les sorties ciné. Un appel à candidature pour les outils du développement de scénario. Donc c'est une sorte de résidence, c'est pour ceux qui veulent faire du scénario en Bretagne. C'est pas mal. Ça peut être sympa. Je vous rappelle, des fois on va un peu vite. C'est jusqu'au... Tout cet agenda, excuse-moi je te coupe, oui. C'est pas bien, mais cet agenda est bien sûr l'agenda de l'AFCA aussi, qu'on peut retrouver sur le site de l'AFCA. Pardon, je te laisse finir. Et on va continuer les scénarios, un concours de scénarios donc jusqu'au 31 janvier. Ça sera dans le cadre du Festival européen Lille. Donc ça sera du 28 mars au 4 avril. On peut envoyer donc un scénario pour un court métrage. Un marathon sur tablette aussi. Tu sais que tu fais du bruit avec tes bras. Voilà. Oui, c'est vrai, il dit plus rien là. Alors, un appel à candidature marathon sur tablette jusqu'au 31 janvier. Ce sera pour le festival d'un jour qui n'a pas lieu en un jour. Non. Donc, c'est du 17 au 22 mars à Bourg-les-Valence. Donc, c'est avec la cartoucherie. Et pour ce festival, j'en profite pour signaler une masterclass pour laquelle on peut déjà réserver. Il faut déjà réserver bien à avance avec Christophe Héral. Le meilleur concours, quand même. Un concours McLaren mur à mur. Donc, ça sera pour être projeté sur les façades du quartier des spectacles à Montréal. C'est le NEF qui met ça en place. Et, oui. Donc, ça sera les quatre gagnants. Et ce sera pour le centième anniversaire de la naissance de McLaren. Court-circuit sur Arte. Alors, vendredi 3, il n'y aura pas de raid de Santiago Bugrasso. C'était passé, donc c'était hier soir. Oui, pardon. vraiment l'excellent LMPLEO. Tout le monde devrait regarder. Et donc, s'il est passé, je pense qu'il va y avoir à 1h du matin dans les prochains jours. Mais sinon, sur Arte Plus 7, voilà. C'est plus marrant de regarder à 1h du matin. Oui, c'est sûr. Vendredi 10, donc, ça sera sur l'Afrique cette fois avec Mini Yamba de Luc Pérez. Ensuite, L'étranger fantastique le 17 janvier avec Nuisible de Tom Ogoma et Bruno. Vas-y, dis-le. Mangyoku. Mangyoku, pardon. Ou un truc comme ça. Je ne sais pas si on le prononce à la japonaise. Ouais. Et le premier jour de Julia Pott, ça c'est plus facile. Donc, qui doit être The Event, donc de Julia Pott dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, un spécial Clermont-Ferrand, vendredi 31, avec Jeu de l'inconscient de Christophe Landrette et Planète après planète de Titouan Bordeaux. C'est la poudrière. Voilà. Et les sorties ciné, il y en a deux. Ça ne fait pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Le vent se lève, le 22 janvier, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis moins bien, la minuscule, la vallée des fourmis perdues, le 29 janvier. Il faut voir. Moi, j'ai hâte de voir la minuscule. La bande-annonce me tente moyen. Écoute, la série était pas mal. J'ai jamais vu vraiment beaucoup, mais la série... Le scénario lorgne un peu trop sur mille et une pattes par certains moments donné. Mais ça reste, à mon avis, de talent français. Enfin, non, à mon avis, je demande à voir. On est d'accord. Oui. Moi, je l'ai pas encore vu. Je crois que je le vois dans deux semaines en projet de presse. D'abord, moi, je trouvais que la série, j'ai les deux saisons à la maison et c'est quand même un vrai régal, notamment la première saison qui est vraiment réussie. Après, voilà, est-ce que ça va passer le cap du long métrage? On a vu d'autres séries qui se sont plantées royalement. Comme Guy et les cafards. On souhaite juste qu'effectivement ce soit pas la même Bérézina, mais a priori il y a un vrai désir, il y a une vraie envie. Et justement voilà, puisqu'on parle de un petit peu de long métrage entre 2013 et 2014, on va voir si ce qui s'est planté en 2013 va nous offrir les mêmes plantades. Il va falloir commencer peut-être à se poser des questions sur l'état de la production. Là, je parle de long uniquement, ou au contraire se dire bah voilà, on commence peut-être à tirer des leçons de recettes qui marchent mal pour aller vers d'autres choses. Et a priori, déjà, laissons quand même une minuscule la possibilité d'être présenté sur les écrans et de laisser la possibilité d'être vu, quoi. Alors, on va enchaîner dessus sur le long métrage. Je voudrais juste dire un petit mot. On n'est pas beaucoup, mais à aimer Le Vent se lève. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment Le Vent se lève. C'est un film que je trouve très intéressant, qu'il faut, à mon avis, ne pas faire l'erreur de vouloir. Enfin, je peux comprendre qu'on veuille voir ça, voir le film comme beaucoup de gens le critiquent parce qu'ils ont l'impression que Miyazaki donc passe à côté d'un fait historique important, et je peux comprendre. Et à la fois, je pense que c'est vraiment pas le but de Miyazaki. Miyazaki, c'est vraiment l'un des films les plus touchants de l'auteur, puisqu'il se montre tel que lui-même, en fait, dans ce film, peut-être avec les erreurs qu'il a pu faire dans sa vie, peut-être avec le fait que finalement son cinéma n'a pas servi autant qu'il aimerait qu'il serve. Et je pense que c'est un film qui est vraiment beaucoup plus touchant si on passe le côté critique de se dire, il aurait dû dire que l'avion zéro c'est pas bien, que la guerre c'est pas bien. Je pense pas qu'on puisse reprocher à Miyazaki dans tous ses autres films de pas avoir dit quand même que la guerre c'était pas bien. Et on peut pas dire que c'est, enfin en tout cas moi dans ce cas, le plus militariste des réalisateurs qu'on connaisse. Et en ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est un film qui est beaucoup plus passionnant qu'il n'y paraît, qui ne mérite pas, à mon avis, les critiques. Voilà, c'est peut-être, c'est pas son plus grand film, loin de là. Mais c'est un film qui est très touchant et qui est très, qui est très proche de lui-même. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu. Oui, tu Francis. Regardes. Oui, je l'ai vu. J'entends tout ce que tu dis et ça m'intéresse parce que effectivement moi j'en parlerai, ça serait un peu l'ouverture de mon émission le 25, on passera un extrait de la BO puis après je ferai une critique sur le film parce que je pense que par contre on ne peut pas passer à côté du film. Je suis ravi par exemple de voir que la couverture des cahiers du cinéma pour le numéro de janvier 2014, et ben c'est le film de Miyazaki, quoi. Donc voilà, ça aussi c'est bien, c'est important, ça montre comment finalement un auteur s'est imposé sur la durée. Puisque là on peut parler d'auteur et que donc on peut être un auteur dans le cinéma d'animation et dans le long métrage. Je reproche pas forcément qu'il ait dit la guerre c'est pas bon, on le sait, on n'a pas besoin qu'un film nous le dise, ou alors c'est vraiment qu'on est con humainement, là j'entends quoi. C'est peut-être de ne pas l'avoir abordé dans le film. Après voilà, c'est ma réflexion. Moi je sais que c'est un film qui m'impressionne énormément, mais qui actuellement, suite aux premières visions que j'en ai eues, ne me touche pas. Par contre, c'est un film qui m'impressionne, je suis transporté en le voyant, je prends un plaisir très cérébral, mais peut-être parce que justement je me pose cette question de comment face à un tel film finalement le traiter. Et je me dis, est-ce que si je fais un film sur Robert Oppenheimer, je peux faire l'économie de la bombe atomique? Alors comment je le montre? mais est-ce que je peux en faire l'économie? Voilà, c'est une réflexion que j'ai par rapport au film. C'est une réflexion, c'est juste comme ça, lancé. C'est pas un avis tranchant et définitif. C'est juste, voilà, le film m'interroge par rapport à ça. Et en même temps, j'entends, et notamment ton point de vue sur, c'est un portrait aussi quelque part de lui-même. Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'en effet, je sais pas si le débat aura lieu ou pas dans la presse. Je pense que beaucoup vont être dithyrambiques puisque c'est officiellement le dernier Miyazaki, dont beaucoup vont dire ah, oh, c'est génial, le grand maître fait son dernier film, et d'autres voilà, et d'autres vont peut-être être dans ce que tu dis. Je le comprends aussi. Je t'avoue que j'allais voir le film justement en me disant ok, moi j'en avais entendu parler, et en étant très critique quelque part du film, en me disant mais voilà, c'est évident qu'il va passer à côté de ça. Et je trouve qu'en effet il passe à côté, mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut faire un film sur quelqu'un qui a créé des, par exemple des avions, une arme qui a tué des gens, et est-ce qu'on peut passer au-delà de ça? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire un film en passant? Non, mais c'est, je pense que c'est une très question très intéressante à poser. Ouais, Nicolas? Dans un sens, j'ai l'impression qu'on peut passer un peu au-delà de ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça, sur le fait qu'il faille aller au-delà de ça, justement, et voir le dernier film de Miyazaki, déjà comme un portrait, mais aussi, justement, comme une histoire d'amour. Et c'est vraiment la première fois qu'il développe, l'une des premières fois, en tout cas, qu'il développe une véritable histoire d'amour dans le film. Le film tend là-dessus, depuis le début jusqu'à la rencontre, alors qu'ils sont très jeunes, jusqu'à la fin. Finalement, il y a ça qui sous-tend tout le film. Et c'est aussi un film, finalement, sur un thème qu'on retrouve tout au long de Miyazaki, c'est sur le rêve. Finalement, le film s'ouvre sur un rêve. Le personnage rêve de devenir, justement, il ne peut pas devenir un aviateur, mais il va rêver de construire des avions. C'est un film aussi qui prend le portrait d'un homme que Miyazaki a admiré, puisque de toute façon il admire aussi l'aviation, etc. Mais il n'est pas nécessaire, c'est pas non plus un biopic, c'est pas une biographie pure de l'homme, justement. Il n'a pas spécialement envie d'être critique, il a juste envie de s'attarder sur la dimension du rêve à atteindre, et donc de l'avion parfait à faire. Après, il s'explique plus ou moins lui-même, il se dédouane un petit peu lui-même dans le film en disant justement que finalement, eux construisent les avions et ils n'ont pas vraiment à préoccupé de ce qui va en être fait, même s'ils en sont un peu conscients. On pourrait lui reprocher tout ça, mais je pense que Miyazaki va un petit peu au-delà. C'est difficilement défendable comme point de vue. Sauf que l'astronaute italien dit bien à mon ami, mais attends, tu crois vraiment que tes avions, tu vas pouvoir les faire pour le civil? Il faut que tu te rendes compte que tes avions, ils vont servir à tuer. Donc ne nous fait pas rire en croyant que, etc. Et je pense qu'en effet, c'est un film que je trouve très pessimiste, en tout cas, que je trouve assez dur par rapport au pessimiste. Monde qui est autour, qui est un peu le Miyazaki d'aujourd'hui, quoi, Olivier. Non, c'est vrai que c'est pas son sujet, la guerre, et l'utilisation de l'avion et tout ça. C'est vrai qu'il s'est dit dans le film, quand même. Après, est-ce que c'est suffisamment dit ou pas? Mais c'est difficile de complètement évacuer cette question, parce qu'elle est quand même... on sait ce qui s'est passé, quoi. On peut pas ignorer. Après, c'est vrai que c'est un film qui est très, très intime, et il est touchant pour ça. Alors, je suis un peu surpris d'ailleurs de ta réaction, Francis, que tu sois resté si extérieur. Mais je pense aussi que c'est pas non plus un très grand Miyazaki. Et moi, il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Donc, c'était la première fois que ça m'arrive chez Miyazaki. Oh, Château Ambulant, moi, je me suis beaucoup ennuyé. 2014, c'est plutôt rien, donc Château Ambulant. 2013, Jasmine et rien d'autre. Quelqu'un veut répondre par rapport au long métrage? Est-ce qu'il y aurait que niveau long métrage? Je sais pas. Valentine, Nicolas, je sais pas, les gens regardent. Vous savez qu'on aime beaucoup Jasmine ici, Nicolas. Ben moi déjà j'adore Jasmine. Après Jasmine, au-delà de Jasmine, il y a peut-être eu un film ou deux quand même que j'ai bien aimé. C'est par exemple La Lettre à Momo, ouais. Donc qui n'est pas, enfin c'est un film qui date déjà de 2013, ou je crois même 2012. 2012 même, ouais. Ouais, 2012. Ouais, 2012 au Japon, 2012, donc ouais. C'est un film qui est sorti très tardivement en France, mais qui est passé un peu inaperçu, j'ai l'impression, malheureusement, qui a tendance peut-être à partir un petit peu sur un univers à la Ghibli, surtout quand on connaît un réalisateur qui avait fait Jinro il y a déjà une douzaine d'années, c'est assez étonnant. Mais c'est un film qui reste quand même aussi assez émouvant, assez touchant, justement, sur le portrait de la disparition du père, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans d'autres films japonais, j'ai l'impression, ces dernières années, pas mal. Mais avec, justement, toutes les espèces de personnages secondaires... qui était plutôt bien fait aussi, justement. Et un autre film que L'être à Momo, parce que tu disais un ou deux films. S'il y en a un autre, là, par contre, j'ai l'impression que je suis peut-être le seul à avoir apprécié ici, et je suis pas sûr que beaucoup de monde l'ait vu non plus, qui est aussi passé inaperçu, qui était sorti pour Halloween. C'est un After School Midnighters d'un réalisateur japonais dont j'ai complètement oublié le nom. C'est l'un des films les plus barrés et les plus fous qui ait été fait cette année, j'ai l'impression. Trois fillettes qui participent à une espèce de concours organisé à minuit dans leur école par un écorché et un squelette d'une salle de bio. On a l'impression que le film n'est pas fini, que l'animation est bâclée, qu'il n'y a vraiment plus rien, que les réalisateurs ont certainement fumé tout ce qu'ils ont pu trouver en créant le film et que le film a été improvisé du début à la fin. Mais c'est... Enfin, c'est tellement étonnant que finalement, j'arrive à être emporté dans le film. Mais c'est... Donc, After School Midnighters, en effet, moi, on dira rien, c'est bien de voir. Rémi, est-ce que tu as quelques longs à proposer? Oui, un petit peu dans le même style, il y avait El Santo contre Tetona Vendosa qui m'a beaucoup fait rire, même si je le mettrais pas forcément dans mes films préférés. Il y en a un, par contre, c'est pas exactement de l'animation, mais c'est une sorte de film hybride, ça s'appelle Parajanov de Serge Avedekian. J'ai découvert aussi Val Simpson, donc c'est sur Sergei Parajanov, un des plus grands cinéastes arménien. Et il y a beaucoup de séquences d'animation quand même, et ça me laisse vraiment une impression d'avoir vu un film uniquement en animation au final, même si c'est pas mal de prises de vue réelles. On parlait d'un fait dans un réalisateur évidemment qui, voilà. qui était très graphique et qui faisait beaucoup de collages. Oui, Jaffé Dikion étant un réalisateur qui a fait déjà de l'animation tout à fait. Le film est passé sur Arte, je crois. Oui, il n'a pas encore de date de sortie en France par contre, mais je pense que ça va plus tarder. D'autres longs, ou alors vous considérez que c'est Francis, toi qui râle, est-ce que non, c'est pas pour t'entendre râler, on a plus beaucoup de temps malheureusement, comme quand on n'aura pas râlé longtemps parce qu'on on a à peine 5 minutes, mais est-ce que ça veut dire que c'est le désert en France, c'était juste cette année-là? C'était juste l'année, on a eu encore une fois Jasmine, il y a eu Aya quand même, qui était pas inintéressant peut-être, non, même pas, il y a eu... Toujours Tito on Ice. Tito on Ice, Valentine. Pas mal, je trouve. Enfin, ouais. Je l'ai vu à Annecy. Et je sais pas, moi, il m'avait touché. Enfin, je saurais pas exactement en parler. Enfin, parce que c'est un peu difficile là. Je l'avais trouvé assez intéressant et je m'étais facilement laissé emporter dans le film. Et je l'avais trouvé très intéressant. On a trois outsiders, on pourrait dire Consuming Spirits, même si beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé, un peu long, un petit peu, mais en tout cas intéressant, ce type qui fait son film tout seul. It's Such a Beautiful Day de Don Hertzfeldt, bien sûr. Et bien sûr, on a Tito on Ice, qui moi aussi avait été l'un des grands, une grande réussite pour moi d'Annecy. Un peu barré, là aussi hybride, avec pas mal de prises de vue et d'animation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire un film intéressant en long métrage en France, de produire? C'est plutôt une question producteur alors. Non, mais le problème du long métrage d'animation, c'est un problème de production, c'est un problème de coût. Les films sont trop chers à faire, donc il faut qu'ils touchent un large public. Donc pour trouver des financements, il faut des scénarios qui plaisent au plus grand nombre. Donc on a beaucoup de mal à faire des films qui sortent un peu des sentiers battus, ou alors on se retrouve effectivement sur des films, les films que vous avez cités, c'est des trucs faits dans le garage, quoi. Donc avec 3 francs 6 sous. Alors il y a le cas à part de l'animation japonaise, on arrive encore à produire des longs métrages d'auteur, mais quand même dans un certain cadre, c'est pas non plus n'importe quoi. Mais on a, bon, il y a une vraie tradition de long métrage dans ce sens-là, mais en France, on a quand même beaucoup de mal. Alors, il y a des exemples qui vont contre ça, puisqu'il y a eu quand même quelques films d'auteurs, on va dire, qui ont touché un large public, mais ça reste quand même c'est trop esselé, quoi. Ça reste très très compliqué aujourd'hui de monter un projet dans des budgets raisonnables sans avoir la nécessité de toucher un large public. En fait, il faut faire des films pas chers. C'est le seul moyen. Est-ce que c'est ça, Nicolas? Ouais, si juste je peux me permettre d'intervenir, j'ai l'impression aussi que même quand les films sont faits, parce que là tout à l'heure j'ai parlé vraiment des films qui étaient sortis en France, mais justement il y a beaucoup de films qu'on voit en festival et qui ne sortiront jamais dans les salles. Oui, c'est terrible parce que vu le coût d'un long métrage, s'il sort pas en salle. Et pourtant, ouais, c'est le cas de It's Such a Beautiful Day qui était vraiment une merveille aussi, de Consuming Spirit que moi j'adore, de Chris Sullivan qui j'ai l'impression sortira jamais, et puis de Tito on Ice par exemple, pareil. C'est-à-dire que ça sera pas non plus. Par rapport à la France, est-ce qu'on là il y a eu Jasmine, on sait pas s'il va être au César finalement, il y a quelques films qui a Loulou et autres pas Loulou trop Loulou mais l'autre Loulou enfin etc. Loulou et l'incroyable secret. Voilà, ouais. Il y a peut-être quelques films où Guillaume Cafard a peu de chance quand même d'y aller a priori, il y aura quoi, il y a de Yopougo peut-être. Ouais. Est-ce que Jasmine est, reste un truc un peu exceptionnel? Je pense qu'autour de cette table tout le monde a aimé a priori le film. Olivier va encore Si si oui, tout à fait. Non mais après il y a des films pour je veux pas qu'on fasse dire ce que je n'ai pas dit. Il y a aussi des films pour enfants ou pour public familial de qualité. Il y en a. L'année dernière, on a vu Ernest et Célestine. Bon, voilà. C'est après, il y en a des tas que j'ai pas vu, donc je saurais pas dire. Mais ça existe aussi. Juste pour dire évidemment, Ariel, on fera pas le générique de fin. On laissera l'émission d'après faire son générique à 19h. On arrêtera et on lancera le générique, bien évidemment. Merci. Francis. Ouais. Donc c'est le long métrage, toi qui as beaucoup râlé à une époque pour les enfants, mais, enfin, non, mais dans pas, le bon sens du terme. Hein, oui, râler, puis c'est pas râler pour les enfants. Moi, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Si on prend 2012, effectivement, on a un très grand film d'animation français qui est Ernest et Célestine. C'est un film pour enfants, mais c'est pas qu'un film pour enfants. C'est avant tout, voilà, un film qui sait être large public, mais qui sait l'être avec intelligence. Moi, dans cet article. Sur ce compte rendu sur Annecy et finalement qu'est-ce qui m'a donné un petit peu aussi mis comme ça le feu aux poudres, c'était quand même cette lettre ouverte alors là de Serge Elissalde dans la lettre de l'AFCA qui réagissait, et c'est le seul en animation, moi c'est plus ça mon problème, c'est le seul en animation finalement qui a réagi. Alors peut-être que parce que les autres n'ont pas de place pour être publiés, je veux bien l'entendre, mais qui a réagi à la tribune de Vincent Maraval sur les acteurs sont trop payés, les films coûtent trop cher. Donc là où on est sur un débat, paraît-il, du film en prise de vue réelle, donc tout le monde s'exprime, on dit tout et n'importe quoi, des choses justes et puis des âneries, on se tape dessus. Et puis d'un seul coup, voilà, il y a une voix qui est celle de Serge Elissalde qui vient dire « Mais le problème que nous, on a dans l'animation, c'est qu'on est... » Je synthétise, mais quelque part, moi, ce que j'y ai lu, ce que j'y ai compris, c'est qu'on est dans une infantilisation de ce qu'on propose. Et moi, c'est ce que j'ai reproché à ce que j'ai vu en 2013 à Annecy sur le long métrage. Alors là, je prends uniquement le cas français, mais parce que peut-être c'est le cas que je connais le mieux, et puis c'est le cas où peut-être enfin, là, il va être question de se poser des questions en tant que producteur. Alors là, je parle de producteur de long. Pour moi, le SPFA, il est peut-être temps aussi... Alors, je comprends, c'est un syndicat de producteurs donc qui défend des intérêts corporatistes. Et je comprends tout ce que tu dis, hein, Olivier, sur évidemment les coûts de production. Mais en même temps, d'essayer de se battre aussi pour donc auprès du CNC, auprès des endroits où on peut, pour essayer d'amener quelque chose d'autre. De faire qu'un film... comme celui d'Alain Huguetto, Jasmine, produit par Alexandre Cornu, ça soit pas produit avec des bouts de ficelle et sur un temps absolument incroyable et fait voilà dans son garage avec du polystyrène. Francis, je suis obligé de couper malheureusement parce que c'est la fin. Est-ce qu'en un mot chacun, vous avez un coup de cœur, quelque chose d'énorme en 2013 et Francis, ce que je te propose de toute façon, c'est qu'on repartira sur ce débat du long métrage parce qu'il est évidemment passionnant et crucial aujourd'hui. En un mot, pour pas qu'on déborde. Est-ce que vous avez quelque chose en 2013 qui a été marquant pour vous, une rencontre, un film, quelque chose, Francis? Oui, moi je dirais, je ferais juste quand même, parce que j'en ai pas l'air, mais je ferais une déclaration d'amour au cinéma d'animation. C'est un cinéma qui me rend heureux, donc je tiens à le dire. Olivier. Pas un coup de cœur, mais je suis super content que l'animation renaisse dans les pays d'Europe centrale. Voilà. Nicolas. Pour moi, le gros coup de cœur de l'année 2013, ça restera Jasmine d'Alain Guéto. Valentine. Jasmine et la rencontre d'Alain Huguetto et de Johanna Quinn et de Yamamura. Belle rencontre, voilà, toutes tes rencontres, Rémi. Moi, Jasmine et Pharrell Janoff. Ok, et puis bah, moi aussi, ce sera évidemment Jasmine que je vous conseille d'aller voir en salle. Yamamura, toujours passionnant, carrefour de l'animation. Et en effet, Johanna Quinn, une vraie énergie, un vrai bonheur. Et voilà, et plein d'autres choses. Et on se retrouve en 2014. On est en 2014, allez, c'est ce que tu racontes. Donc, à la prochaine émission. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être venu aussi rapidement. Et à très bientôt. Bye bye.